Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le programme présenté est réservé à un public averti. En effet, dans les deux heures qui vont suivre, vous ne serez pas à l'abri d'être transporté dans l'univers fantastique de Cthulhu, une monstrueuse entité cosmique, une gigantesque créature extraterrestre endormie depuis des millénaires qui réveille ses tentacules pour agiter votre samedi soir. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Effectivement, enrôlé dans la folie, l'univers de Cthulhu. Et oui. Et donc ce soir, pour cette nouvelle édition, je sais pas comment on peut appeler ça. Pas nouvelle édition. Cette nouvelle partie. On l'a nouvelle, fait depuis ouais. un petit moment déjà, c'est le premier samedi de chaque mois, session, à chaque fois. Session, c'est pas mal, j'aime bien. Du coup, on va recommencer une nouvelle session, effectivement. Avec toujours les mêmes joueurs, évidemment. Donc, on a toujours Warl en tant que MJ, évidemment. Ou Batman pour les intimes. Batman. Effectivement. Ça fait beaucoup d'effectivement. Nous avons Flo. Oui. Bonsoir. Bon, effectivement. Bonsoir. Effectivement. Flo qui est. Jacob. Jacob. C'est ça. Jacob. On l'a entendu dans le pré-show, notamment. Exactement. Hein. Nous avons aussi. Thomas. Yes, aka. James dans le jeu. Effectivement, le médecin en train de crever. Je fais sa aussi race. Indie Comics sur Indestar. Effectivement, donc vas-y, parle-nous d'un peu d'Indie Comics. Vas-y. Pub. Ouais, c'est une petite pub. En gros, c'est tous les 15 jours une nouvelle review d'un comics qui m'a particulièrement plu. Ça peut être Batman, ça peut être des comics indépendants, ça peut être de tout. Et bientôt une émission spéciale vacances Indie Comics. D'accord, pas de problème. Nous avons aussi notre côté féminine de l'émission. Je sais pas si c'est comme et ça qu'on oui, aurait dû dire, mais bon. Je voilà. suis de retour. Pour jouer un mauvais jour. Si elle va survivre après, je ne sais pas d'ailleurs. Ah oui, mais est-ce qu'elle va se réveiller déjà pour comment? Peut-être qu'elle sera là juste pour être dans le coma. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon but était de la faire mourir dès le début. Ouais. Effectivement. Donc du coup, tu t'appelles Inès et toi voilà. tu joues Naomi, c'est ça? Naomi Buckman, tout à fait. La femme de Clifford, si je me Exactement, trompe pas. Exactement, mon cher Clifford. Ah, oui, ton feu mari qui n'est pas qui là. Nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission. Je l'attends impatiemment. Quel salaud. Ah, impatiemment en plus, t'as dit. Ah oui. Et moi, je joue. Putain, j'allais oublier. Je joue l'OMJ. Non, je déconne. je regarde Michael et il a pas l'air totalement d'accord. Alors, oui, mais non. D'accord. Je peux avoir des points bonus quand même. Si je coupe ton micro. Si tu arrêtes de réclamer autant de. Peut-être que t'en auras, sinon d'accord. ce sera des malus. D'ailleurs, ton personnage s'en tire un peu trop bien à mon goût. Bah, je m'appelle Xiao Tung, je suis chinois et j'ai pas le coronavirus, donc je m'en sors plutôt bien. Ah, c'est ça que je devrais rajouter. Effectivement, je peux avoir une prime si j'arrive à filer le corona à des gens. J'aime bien le concept. Moi aussi. Donc voilà. Donc Xiao Tung. C'est ça, le bourrin, le tank, le con. De la partie. C'est vrai que c'est hyper RP, genre son perso c'est le plus fort et aussi le plus con, et c'est celui qui a vraiment les stats de merde dans l'intelligence. C'est celui qui correspond le plus au personnage en réalité. C'est ça. Genre, quoi tu clashes ? Vas-y, genre, je coupe ton micro. Il arrive devant les autres, il fait une tapé. C'est un peu ça là. Discutons tapé. C'est carrément ça. Mais quand est-ce que j'ai tapé ? C'est vrai, c'est un peu ça. Alors. On reprend. Il y a des énormes fourmis là. Tu veux reprendre que quoi alors, oui. Genre, c'est quoi ça c'est dans le jeu de rôle ou c'est en vrai Genre, il y a une énorme fourmi. Alors, ouais, vous le voyez pas, mais. Vous êtes attaqué par une énorme fourmi. Dans la radio, fourmi. Oui, voilà, on a une fourmi sur un câble qui n'est pas si énorme que ça. Ah, elle est énorme. Viens ici, ah, petite fourmi. Bon, on s'en fout, la fourmi participe ouais. au GDR, on est d'accord. Ouais, de toute façon, de elle remplace Clifford. Elle remplace Clifford et vu ses interventions, elle a pris déjà plus de temps de radio que Clifford, c'est déjà pas mal. Popopo oh, oh, mais parlons du loup. Quand on parle du loup oh, Clifford. Attendez, on va le laisser s'installer, on pousse la fourmi. Vas-y, pousse-toi fourmi. Laisse Clifford sur sa place là. Ouais. C'est ça, bon. Ouais, voilà. Ton heure de gloire est finie. Tu vois Clifford, qu'est-ce qui te remplace? Une fourmi, il a pas de micro. Bonjour à tous, je suis Clifford Greenwald. Exactement. J'ai été remplacé par une fourmi, c'est toute l'estime que vous portez à mon personnage. Baf. Et encore. Une fourmi, c'est classe encore, je trouve. Ouais, par rapport On aurait pu prendre un cafard ou une punaise. C'est vrai que t'as zéro en... Enfin, t'as un score pourri en constitution, enfin, t'as un corps un peu de lâche, Clifford, quand même. Ouais, j'ai une corde de géant, en plus. Ouais, mais enfin, ça, c'est les dés. Les dés peuvent décider de plein de choses. Soit. Bon... Donc, on va enfin repartir maintenant qu'il y a notre joueur manquant. On va repartir après une musique, évidemment. Non, on va pas repartir après ça, on va mettre Anna Free. Ah, ça fait longtemps. Cool. Dreams, son titre pas phare. Cover. C'est une cover. Ah, vous y avez cru, hein. Non, non, on écoute Anna Free, son titre Dreams. Venez, approchez, on vous embarque avec nous. 20h30, 23h sur Indestar, entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Et oui, enrôlé dans la folie, votre rendez-vous le premier samedi chaque mois. Et on va commencer cette nouvelle session enrôlé dans la folie, évidemment. Donc, Warl, je te laisse la main. Nous sommes enfin repartis. La voiture où habitaient, étaient nos petits personnages, ouais, une caravane. Foncez, c'est une voiture volée d'ailleurs, je tiens à le rappeler tout de même. Non mais ça se passait bien moi, j'avais souvenir qu'on était tous heureux, qu'il n'y avait pas de problème quoi. Ouais, c'est bizarre, c'était un souvenir effectivement, tu ne te souviens plus grand chose. La voiture fonçait à vive allure sur la neige et quelques gouttes de pluie ruisselaient sur le pare-brise. Une sinistre pluie s'abattait sur New York, comme si les éléments eux-mêmes se déchaînaient sur cette neige si paisible. Et James, pendant ce temps-là, perdait beaucoup trop de sang. Les minutes, ces minutes, lui étaient comptées. Une rosette rouge. Clifford avait pris une balle aussi dans le ventre et... On peut dire que c'est dans le genou. Aussi, peut-être, qui sait. Et commençait à avoir du sang, ses vêtements se tachaient de rouge... Ça me rappelle les belles époques de 14-18, ça. C'est ça. Tais-toi, ferme-la un peu, médecin de pacotille. De toute façon, il est mort. Enfin, non, lapsus. Est-ce que je suis dans le coma ou je suis encore conscient? Tu me fais un jet de constitution. Et pendant ce temps-là, tu as Jacob, tu me fais un jet de conduite. Qui voudrait essayer de soigner Clifford parce que Clifford aussi, mais principalement Clément. Jacob évidemment, qui est au volant. Oui bah du coup tu ne peux pas. Ouais, mais j'ai fait le meilleur jet de constitution possible. Il y a James qui est. Hein le problème c'est que c'est toi qui conduis Jacob, tu ne peux pas. Et t'as le permis depuis combien de temps? Il faut aussi que tu il a le permis depuis qu'il a réussi à démarrer la voiture. C'est ça, il savait déjà conduire. En vrai, il ne savait pas du tout conduire. Ah non, pas du tout, je n'ai aucune idée. Juste pour info, mon jet de conduite, j'ai fait 9. Ah, t'as fait 9. C'est vrai ce mensonge? Ah oui, bah tu peux venir voir l'aider. Non, j'ai pas la foi. Je te crois par flemme. Non, faut pas dire ça, c'est pas... Mais du coup, comment t'as fait pour démarrer cette foutue bagnole? Eh bah, même moi je sais pas. Avec les fils, il a... C'est beau qu'en fait, il a dû voir ça dans un film ou quelque part, ou alors il a déjà bricolé quelque chose, enfin c'était vraiment un événement... C'était une chance absolue, quoi, qu'il a pu réussir à faire une chose pareille. Et oui, effectivement. Et le jet de constitution de Thomas, enfin de James. Oui, bah du coup, j'ai pas du tout fait 94, c'est pas vrai. Ah, et ben tu tombes dans le coma effectivement. Tu tombes dans le coma pendant ce temps-là. Ça va pas du tout très bien. Et tu commences à convulser. Il y a du sang un peu partout. T'as froid, tu veux une veste? Vous voyez sa jambe qui est vraiment dans un état pitoyable. Est-ce qu'il essaye de lui procurer des soins? Je crois que j'ai un bandage sur moi. Moi, est-ce que je peux garer la voiture sur le côté pour essayer de... Tu peux essayer si tu veux. Parce que je sais, mes compères, ils ont combien en compétences? J'ai 30% comme de base, on a tous 30% dans le premier soin, du coup. Je suis à 50. À 50? Ah oui. Bah ouais, vas-y, essaye. Donc c'est pour ça. Au pire. Clifford, vas-y, prends le volant et... Je prends le volant. Ouais. Je conduis. Enfin, j'ai mal, mais je conduis quand même. Ouais, mais ça va. Donc tu prends le volant. Faites attention, il y a vraiment votre camarade qui est en train de convulser. Ses secondes sont comptées, je tiens à préciser. Je garde la voiture, je saute derrière pour lui procurer les premiers soins. Puis en sorte qu'il ne s'avale pas la langue, surtout. Fais-moi un jet de premiers soins. Enfin, de soins. De chance. Voilà. Là, je rigole pas, il va mourir. Bah lui, il rigole beaucoup, par contre. J'ai fait 80. T'as fait 80. James, fais-moi un jet de constitution. Allez, c'est pas le moment de me lâcher les dés. je vais peut-être arrêter le jeu, moi. Je me sens pas bien, je vais rentrer chez moi, je crois. Ça fait combien? J'ai pas du tout fait 97. Est-ce que je peux tenter un truc? Ton personnage ne respire plus. Ah, nice. Est-ce que je peux tenter un bouche à bouche? Un massage cardiaque ou ouais, quelque chose? Je vais choper le coronavirus. Vite. Ah oui, un massage cardiaque avec un, ouais, un bouche à bouche. Oui, si. Parce que justement, je suis chinois, donc... Vous voyez son corps qui ne bouge plus. Et alors? Il ne respire plus. Saute lui dessus. Tu essayes de... Tu essayes de massage cardiaque et un bouche à bouche. Et il n'y a plus rien. Tu as beau essayer de le... J'ai pas lancé de dé. T'as beau essayer, tu n'y arrives pas. Est-ce que je peux le frapper? Il ne bouge plus. Et c'est ainsi que disparaît James Cooper. Ce fut vachement court. Bon bah je vais rentrer chez moi dormir. La session était très courte, ouais, pour. Bon bah au mois prochain, écoutez. T'as, hein. T'as fait 94 et 97. Oh, sur un échec critique, quoi, c'est. Oh, ouais. Mort en mettant du sang partout sur la banque. C'est clair. Il a dégueulassé la voiture. Ça nous appartient même pas. On venait de la voler, c'est pas possible. Eh bien. Je crois qu'il est mort, les gars. Comment vous réagissez? Approcheront à moi. J'en ai marre de cette vie, j'en ai marre, putain, des morts partout. Ah, je sais pas ce qu'on peut faire, mais. Qu'est-ce qu'on fait? Il avait de la famille? Bah, je sais pas. Il est alcoolique, donc non. Non, je sais pas. Mais on pourrait peut-être aller à l'hôpital ou à la morgue pour emmener ce cadavre. Il bouge encore! Voilà. Je l'ai senti bouger! C'est un virage qu'il a pris trop vite et ça a fait bouger le corps. Il est venu sur toi et il a. C'est vrai. Il t'a moitié. Tu sens son corps qui devient tout rigide. Tout raide. Fausse alerte, les gars. Contre toi, tu sens son sang couler sur tes propres vêtements. Je suis désolé, les gars. J'ai cru qu'il avait bougé, mais non, c'était la voiture. Avec un peu de chance, il aurait presque pu te vomir dessus ou pire. Je pourrais perdre des PV. Attends, il m'en reste que deux. Pendant ce temps-là, la voiture se dirige donc vers l'hôpital. Vous arrivez à l'hôpital. Vous faites prendre par les soins intensifs. Ah oui, oui. Oui, bah heureusement. Oui, oui. Le corps de James est déplacé dans certains soins, mais vous voyez par la mine décrépite des confites des médecins que ses heures étaient terminées. Ils le mettent dans un sac. Oui, bah ils le mettent dans un sac. Pendant ce temps-là, je Clifford vais me présenter avec ma blessure. C'est ça, Clifford se dépêche. Il a quand même perdu pas mal de sang. Pareil pour moi. Toi, t'avais perdu beaucoup de sang. Oh ouais, je suis à 2 PV, donc ouais. Ah, t'es à 2 PV. Ouais, ouais. La balle aurait pu être mortelle pour moi aussi. La partie va se finir très vite. Cool. Ah bah là, ouais. On va regagner les PV, on a vous arrivez donc dans une grande salle blanche avec quelques patients. Vous attendez un instant avant d'être pris en charge. Les médecins vous soignent, donc je fais une petite ellipse. On a tous nos PV, hein. En vous soignant, toi tu gagnes qu'un seul petit PV. Mais au moins t'as. C'est un soin, ça? Ouais. C'est un premier soin, c'est de la merde. Oui. C'est quoi ces toubibs de. Ils sont rabais. C'est ça, tu gagnes un petit PV et au moins toutes tes plaies sont désinfectées et ils t'ont dit monsieur, votre blessure à l'épaule que vous avez eue il y a quelques jours était infectée et était en train de elle était en train de pourrir en fait. Ils m'ont enlevé un petit bout. Je sais pas si tu te souviens, tu t'étais fait blesser à l'épaule au début de la session et c'était en train de pourrir sur ton épaule. Il n'y avait pas notre médecin, notre feu médecin qui m'avait fait des premiers Oui, mais ça fait quelques jours, il n'y a eu aucun... Rien par-dessus, enfin là, les bandages n'ont pas été changés, ça avait eu le temps de s'infecter un peu plus. Mais du coup, là, ils peuvent me soigner. Oui, ils t'ont redonné un PV. C'est pas trop... Ouais. je crois que je vais passer un mois à l'hôpital. Okay. Clifford, ils arrivent vers toi, ils te retirent la balle, ils désinfectent tout, mais vraiment, un truc de fou, tu gagnes 6 PV. Oh, putain, c'est un bâtard. J'ai les meilleurs toubibs, quoi. Ça t'apprendra à trop parler. Là, c'était vraiment la blessure d'avant, en fait, que t'avais, où ils ont pris un peu de temps à la soigner, et au final, D'accord. Ben, je suis à 13 PV alors. C'est magnifique. Toi, Jacob, t'étais dans quel état, si tu te souviens? Ben, moi, j'ai mes 13 PV. Tu as tes 13 PV, oui, c'est parfait. Oui, moi, je n'ai rien eu. En reprenant un peu tes esprits, Clifford, tu réalises que bah, tu es dans l'hôpital où il y a Naomi et tu toutes tes pensées en fait sont concentrées vers elle et tu te dis faudrait vraiment que je me hâte à avoir des nouvelles quoi. Et qu'est-ce que je suis dans quel étage? J'ai un plâtre, une là, là je vous êtes ou... vous êtes tous au niveau des mêmes lits. T'as Xiaoktung qui est pas très très bien, il est tout pâle. Ouais, ouais, ouais. Toi d'ailleurs James, j'ai oublié de le dire mais en fait ils ont pas James Clifford, les médecins te disent bah vous avez contracté une maladie il y a quelques temps. Quoi? On a commencé à vous soigner mais ça fait quelques jours que vous avez une espèce de maladie une infection, une herpès vaginitale. C'est sûrement une coupure que vous êtes faite dans le passé, il y a pas très longtemps, une coupure qui vous a transmis une maladie. Quelle maladie? Oh oui, c'est un couteau en plastique. Ah. Un couteau en plastique? Mais oui, c'était pas cette histoire-là. Ah, vous êtes fait couper par un couteau en plastique? Oui, je m'en j'étais 10-13 ce jour-là, il y avait un couteau, je suis antiquaire, je connais mon métier. J'ai vu tout de suite que c'était un couteau en plastique, mais c'était un vrai couteau et je me suis coupé avec. Ah, ça, bah, ça peut être là alors. Nous fournissons quelques traitements. Et, Quel genre de maladie c'est? Le tétanos. Lucina. C'est pas le tétanos. Dormi, donne-moi un nom de maladie, j'ai pas d'inspi. Herpès. C'est un herpès. Avec un couteau en plastique, tu peux choper une herpès? C'est un herpésus, c'est une maladie. Oh, comment je peux être crédible avec un RPG? Le tétanos, c'est bien ça, c'est crédible. Ouais, mais c'est trop facile le tétanos. Non, RPG, bon, j'aime bien. J'ai un RPG. L'avantage, c'est que je peux y rajouter des effets secondaires. C'est pas très connu, mais au moins, t'as un traitement à prendre, donc il te donne un traitement à prendre, t'as des pilules à prendre matin et soir. D'accord, j'ai combien de pilules? Là, tu as un stock d'environ, il te donne quoi, une vingtaine de pilules à peu près. D'accord. Ne les oublie pas. Mais ça devrait être si tu les prends bien, tu devrais être guéri rapidement. Cette petite piège. Ah non mais. Pétard à retardement. Ouais, c'est ça. Fais-moi ce plaisir un peu. Bien. Donc vous êtes tous dans la même pièce. Enfin tous les trois. Qu'est-ce que vous faites? Je veux aller voir Naomi tout de suite. Vous allez voir Naomi. Donc, tu demandes à mes médecins s'il y a une certaine Naomi Blackman, ouais, je suppose. Je vais à l'accueil ou dès que je croise un médecin dans un couloir. Très bien. Le médecin te dirige vers une petite cellule qui était un peu à part en fait, elle est un peu éloignée. Et sur le chemin, ils te disent c'est vraiment un cas, on n'a jamais eu une chose pareille. On dirait un mélange entre une sorte de plein de maladies et plein de poisons. Ça a des effets assez impressionnants. Et ça s'est presque volatilisé. Ça s'est dissipé. Son sang qui était noir avant s'est dissipé dans une espèce de bulle et de fumée et on n'a plus de traces de ce produit. Et ça veut dire qu'elle va bien? Elle s'est réveillée, elle est consciente. Je peux la voir? Oui, bien sûr. Et il arrive, il ouvre la porte, et au fond, tu vois Naomi qui est assez pâle, mais elle a l'air d'être consciente et elle est sur son lit. Clifford. Naomi, tu vas bien? Tu m'as tant manqué. Toi aussi. J'étais si mal. J'avais si mal. Quand je suis redescendue à l'accueil, le maître d'hôtel m'a donné un médicament, et quand je me suis couchée, j'étais tellement mal. Le lendemain, je me souviens juste d'avoir perdu connaissance dans les toilettes. Ne parle pas. T'as l'air assez faible. Garde tes énergies, d'accord? Je vais t'emmener avec moi. Comment vont les autres? Est-ce que vous les avez suivis ou pas, du coup? Moi, je crois que je suis sur mon lit, je dors. Enfin, je sais pas si je dors, mais je suis dans mon lit. Tu préfères te reposer un peu pour l'instant, ok? Gagner des PV. Moi, j'ai été prendre des nouvelles de James. Enfin, des nouvelles. Des mauvaises nouvelles. Bah voilà quoi, j'ai été... récupérer ses vêtements. Et alors, il est bien mort, c'est bon? Ah bah j'en sais rien, j'attends l'avis des médecins. D'accord. Écoute, Naomi, dernière nouvelle. James était porté pour moi. Non, c'est pas possible. Comment j'ai pu ne pas être là pour lui? Pour assister à ça. Écoute, je t'assure que tu n'aurais pas voulu assister à ça. On y a tous assisté. Il s'est pris une balle, on était en train de fuir... Des gens des sectes, sans doute. Il s'est vidé de son sang sur la banquette. Une balle de baseball, une balle. Alors je rappelle un tout petit peu. Il s'est pris une balle et il s'est pris un espèce de coup de faux au niveau des hanches et ça lui a presque arraché une jambe tellement le coup était puissant. Oui, il s'est pris un espèce de coup de faux au niveau des jambes tellement puissant qu'il s'est vidé de son sang. Je suis désolé. James! Paix à ton âme. On ne l'a pas encore enterré. On pourra faire notre deuil à cette occasion-là. J'aimerais le voir. Tu sais quoi, je pense que quand on fera notre deuil, on pourra peut-être mettre une petite musique. Non, je déconne. Mais dans l'émission, par contre, on peut mettre une musique, si tu veux. Bah oui, on peut faire ça. Ouais, on peut. Plaisir. On va mettre Bendy avec son tic... Son tic... non, pas son tic. Son titre, Surfait. Surfait. C'est surfait ? Surfait, oui. Ah bon, je croyais que c'était surfer. Non, non. Genre surfait. Le verbe surfer. Bah, AIT, c'est surfait. Quand même bien français surfait. Comme surfait. Okay. Ouais. Il est surfait son titre. Prochain ouais, c'est numéro. Surfait. Ok, exactement. Bon, c'est pas vrai. Bienvenue dans un monde fantastique. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Effectivement, enrôler dans la folie le premier samedi de chaque mois, de 20h30 à 23h. Nous sommes en présence de... Warl, de Flo, de Thomas... Non, pas Thomas, il est mort. Inès, Clément et Teddy, évidemment. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur indestar.fr ou alors sur une vingtaine de sites de podcasts comme Spotify, Deezer, iTunes, j'ai oublié les autres. On s'en fout. Alors, Thomas, vous n'avez pas d'excuses pour nous trouver. Alors Thomas, que penses-tu de cet événement? Ah, eh ben il pense pas puisqu'il est mort. Moi, je trouve qu'il est très roleplay, Thomas, en ce moment. C'est là, il montre les meilleures parties de son personnage. Ouais, c'est vrai qu'il joue très bien le c'est clair. Le décès, mort. En fait. Ouais, la mort clair. De décès. Bah, c'est là qu'il joue le mieux, d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Quand il parle pas, il est le meilleur. Ah, il va nous manquer, comme ouais, il a bah, manqué son G. Au moins, enfin, remarque qu'il a foutu la merde un peu au début. T'as bien fait semblant de pleurer, en fait. Ouais. Et on voit pas, mais elle a léché ses doigts et elle les a mis sous les yeux pour faire semblant de pleurer. Genre, oh, j'ai les yeux humides. Pas du tout. Non. On le regrettera non, pas, ce petit bâtard. Ouais. On souhaite. Était tous dans l'hôpital et du coup, vas-y, continue. Hein, monsieur. Alors, je ne fais que jouer. Vous venez d'apprendre la terrible nouvelle, la mort de notre terrible et cher allié. Quoique. Ouais. C'est la mort d'un membre, mais ce n'est pas la mort d'une idée. Derrière votre quête, votre envie reste. Bon. Un peu quand même. Enfin, j'ai envie crois. De me soigner, moi, c'est tout ce que j'ai envie. Et d'un kebab. Toi, Clifford, t'étais avec Naomi. Oui. Je vais proposer à Naomi d'aller retrouver les autres. Alors, vous retrouvez les autres, vous allez vers les autres. T'as le médecin qui regarde du regard de Naomi. Enfin, qui. Garde un œil sur Naomi et qui dit vous voudrez vraiment pas qu'on la garde en observation. Foutez-moi la paix. C'est clair comme ça. Bon, très bien, très bien. Il recule. Monsieur le docteur, et dit... j'ai combien de PV Combien t'as de PV là? Attends. Bah, monsieur le médecin, oui. Toi? Ouais. Est-ce que je vais bien? De base, si t'en as pas perdu, tu mais devrais pas. Avoir tes PV. C'est juste que t'es un peu étourdi ici. T'as le médecin qui répondait à Clifford, c'était juste pour son bien, vous savez, c'est pas pour vous embêter. Vous comprenez? Ne jouez pas avec moi. Soit, très bien. Faudra pas venir vous plaindre s'il y a des problèmes par la suite. Et prenez vos médicaments. Quels sont mes médicaments? Attends, Naomi, tu vas bien? Tu... Ça va. Je me sens étourdie. Écoute, j'ai vraiment pas envie de te voir retourner avec ces médecins qui... J'espère vraiment pas confiance. Je préfère te savoir à côté de nous. Je veux rester avec toi, Clifford. Je te suivrai jusqu'au bout. Moi aussi, non. Bon, vous rejoignez les autres après quelques roucoulades et des Et des petits câlins, des petits papouilles. Bon, vous arrivez vers les autres. On va passer les scènes. Ouais. Xaotung, qu'est-ce que tu dis en les voyant arriver? Tu vois Naomi, elle est vivante. Elle a la peau assez pâle. Elle a pas l'air très très bien non plus. Elle est de la même couleur que moi. Presque plus claire, comme tes fesses. Oh. Tu ressembles, t'as vraiment une gueule de cul. Non, je plaisante. Mais tu vas bien, du coup, tu t'es bien réveillé, ça y est, t'as bien dormi, hein. Ouais, parce que franchement, nous on a bien galéré en attendant. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Vous avez perdu notre cher James. Ah non, on l'a pas perdu, il est en bas. Il est à la morgue, je crois. Si tu vas aller le voir, tu peux lui dire bonjour, mais il te répondra pas. Oui, il est un peu refroidi. Putain, c'est un peu tôt pour avoir de l'humour dessus, non? Bah non, c'est vrai, il est en bas, il est refroidi. Il touche du bois. J'ai envie. Ils l'ont déjà mis en. Me pendre et de vous pendre après. T'as pas de corde, mais si tu veux, je peux t'en fournir. Non, je plaisante. Là, c'était vraiment une blague. Ah, ça fait mal encore. Faut pas trop que je rigole. Les gars, franchement, je crois qu'il faudrait peut-être que je reste au lit un petit moment là. J'ai besoin de regagner des PLV. Non, je veux dire, j'ai besoin de me soigner. Donc, je crois que pour le moment, je vais rester dans mon lit. Très bien. Toi, Jacob, t'étais avec eux, t'étais... Non, moi, je suis parti prendre des nouvelles, entre guillemets, de James. D'accord. Tu es descendu prendre des nouvelles de James. Il a-t-il piqué ses affaires, ouais. Et tu arrives au niveau de la morgue, tu as des personnes de... Enfin, tu as des gérants de la morgue. Qu'est-ce que tu vas leur... Tu leur dis quoi, exactement? S'ils ont... Ah, je suis très maladroit dans mes mots. S'ils ont reçu James à leur dans leur service, c'est vrai que c'était un peu ton... un certain James Cooper. C'est vrai que c'était un peu un repère pour toi ici. C'était ton unique repère. T'en avais pas beaucoup et t'avais un seul camarade avec qui tu buvais. Et... Bah ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et il te présente ses condoléances. Et te donne un papier avec quelques indications et quelques souhaits. Et aussi te demande pour l'enterrement, quand est-ce que vous voulez voir pour cet enterrement? Vous voulez l'enterrer enfin, faudrait prendre le plus tôt possible. Plus vite possible, oui. Le plus vite possible. Et il te fournit le numéro. Les 7 jours du Shabbat. On en parle, les 7 jours du Shabbat. Il se réveille, il sort de sa tombe. Remarque, s'il y a quelqu'un qui a une compétence nécromancien... Ah, attends, je regarde ce que j'ai. Eh ben non. Il te donne le numéro d'un croque-mort et une adresse, d'ailleurs, une carte avec de quoi contacter. Bah, après, c'était le même cimetière que là où était enterré Jackson Elias. Il te dit bon, pour l'instant on ne peut pas voir grand chose. On fournit le corps à la morgue et après vous verrez avec eux. C'est eux qui vont préparer les corps ou faire quoi que ce soit, l'enterrer ou l'incinérer. Je sais pas ce que vous préférez. Mais... L'incinérer, ça coûte cher. Ah, t'es riche toi, de quoi tu parles? Quel connard. C'est vrai, mais ça coûte cher quand même. Non. Je te supporte de moins pense... en moins, Xaotun. C'est la maladie. Non, les blessures. Je pense qu'il aurait préféré avoir un enterrement. Non. Il va bien brûler tout l'alcool qu'il a imbibé. Oh, ça, Naomi, c'est sûr qu'il va... Ils vont détruire le. Il va détruire le. Ça, ce serait assez fun. Ça. Clifford... Je vais faire un test de résistance pour le. Clifford, tiens ta femme parce que je pense que ça va mal aller. Naomi, tu as respecté un petit peu plus les morts. C'est quoi? Il y a une heure, tu pleurais sur son sort et là, tu te fous de sa gueule. De toute la manière, il n'est pas vraiment je mort. Il va se réincarner dans autre chose. Troublé. Ah, c'est vrai que t'es un peu bouddhiste, non, toi, Xaotung? Un petit peu, ouais. Je crois en la réincarnation, évidemment. Et s'il est mort, c'est qu'il s'est réincarné en quelque chose d'autre. Mais en quoi? C'est une bonne question. En pocheron, toujours, mais... en si limace, vous croisez peut-être. Un pocheron, vous allez peut-être penser à lui. C'est ça. On va faire une petite ellipse, à moins que vous essayiez de... Enfin, vous restez combien le de temps dans le... Vous pouvez essayer de le ressusciter. Hein. Mais quelles seraient les conditions pour réussir une telle quête? Faudrait vraiment avoir un truc qui serait assez fou. Genre, rien du tout. Vous avez rien pour le j'ai faire. J'ai des aiguilles. Des est-ce que ça marche dans le mythe? On pourrait regarder dans le... Dans le bottin téléphonique, c'est pas un nécromancien. Avec le mythe de Cthulhu, alors aucun jeu ne pourra faire ça évidemment, mais après, si tu trouves un artefact capable de ressusciter les morts, c'est possible. Donc il faut mieux l'enterrer, en effet. Bah oui. Enfin, avec mes aiguilles, je peux peut-être. Vous savez même pas si ça existe, hein. J'ai dit ça, mais je sais même pas si ça existe. C'est vrai. Enterrons-le. Oui. Bien. Vous restez combien de temps dans l'hôpital exactement? Qui va faire quoi? Moi, j'aimerais bien rester le temps que mes blessures se guérissent. D'accord, donc tu vas rester, tu signales aux autres, bon, je pense que je vais rester là un moment. Parce que même si... Allez, s'il me manque un ou deux, enfin, si j'ai des légères blessures, ça va. Mais faut vraiment que je guérisse. J'avais une blessure à l'épaule qui était infectée apparemment, parce que notre cher médecin n'avait pas fait très bien son boulot, il changeait pas les bandages apparemment. Pendant ce temps-là, les autres, vous voulez rester attendre Xiao Tong, ou là, une heure, deux heures passent, vous vous sentez bien, il y a juste Xiao Tong qui se sent un peu moins bien. Ouais, on a été enterré Là, tout de suite, non, vous pouvez aller contacter un croque-mort. Ouais, ce qu'on va faire. Ouais, on va contacter un croque-mort. Okay. Vous voulez faire quoi, aller l'appeler, ou essayer de vous diriger directement dans une agence? Peut-être l'appeler qui vienne directement récupérer le corps. Oui, voilà, déjà. Oui, bah ça, après, ça sera fait avec les formalités. Très bien. Bon, bah, vous vous occupez un peu de cette histoire de corps. Il récupère le corps l'emmène dans son local de préparation. Donc là, après, il vous dit pour l'enterrement, ça pourra se faire demain, fin d'après-midi ou après-demain. Attendez. Est-ce qu'on pourrait pas demander à un médecin légiste de voir si c'est pas quelque chose d'étrange dans son corps? Je sais pas si c'est un coup de faux. Effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Et on pourrait récupérer ses affaires personnelles aussi. Naomi, tu m'exaspères de plus en plus. Ouais, peut-être qu'il avait des documents importants par rapport à tout. Ouais, non, il nous les aurait transmis. On était tous ensemble. Bah non, il est mort. Ah pardon. Mais oui, ça peut être une bonne idée de faire appel à un médecin légiste pour la blessure à la faux et puis récupérer les balles qui s'est prises, essayer d'examiner, voir l'arme qui est utilisée. Quand tu vois un peu après, il y a un médecin, enfin pas un médecin, mais le gérant de la morgue qui vient à toi et qui fait « Ah oui, vous avez des clés pour un casier ?» Ils te passent des clés et disent « On a mis toutes les affaires de votre défunt ami à l'intérieur. » Tu vas pouvoir récupérer tout son stuff. Ouais, trop bien. Non, je rigole. Et voilà, vous avez un casier attitré, vous pouvez récupérer quand vous voulez. Il se sera stocké pendant quelques jours. Si vous voulez récupérer là maintenant tout de suite. Bah, je regarde Clifford et puis je lui demande si ça lui dérange de gérer tout ça le temps que j'aille voir le fameux casier justement. D'accord, je m'occupe de ça. Merci, mon ami. Donc toi, Clifford, tu prends ses affaires. Ouais, je vais ouvrir la boîte et voir ce qu'elle contient. Tu as après les affaires qu'il avait notées. Donc il avait un fusil, je crois. Il avait pas perdu. Il avait de l'alcool sur lui. Tu vois quelques flasques d'alcool différents. Est-ce que tu veux essayer de les sentir ou... Je vais mettre discrètement deux fioles d'alcool dans ma poche droite. D'accord. Tu prends donc ces deux fioles d'alcool. Il avait d'autres choses si tu regardes ses affaires. Un scalpel. Il avait un scalpel. Et un fusil. Et un fusil. Un pistolet. C'est un pistolet, d'accord. Donc il avait un pistolet. Donc tu récupères le pistolet, le scalpel et également des deux flasques d'alcool. Très bien. Donc là, tu récupères ses affaires. Jacob, t'étais parti après. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je suis resté avec le croque-mort pour faire toutes les. Donc là, vous faites les formalités. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Donc oui, après, oui. Vous avez le croque-mort qui a récupéré le corps et qui l'amène en préparation dans son local, comme je le disais. Donc il part dans un autre bâtiment. Donc là, il vous dit... Ah oui, pardon. Pour l'enterrement, ça peut être fait demain après-midi ou après-demain matin. Ah, demain après-midi. Mais c'est un légiste ? Non, c'est le croque-mort qui était ah là. Oui. Demain après-midi, je suis pas pour. Demain après-midi. Ouais, qu'on ait le temps de vous présenter un médecin légiste. Très bien, bon, c'est demain après-midi. Et tu voulais voir le médecin légiste pour qu'il vienne regarder quand même, ou avoir son point de vue, enfin son diagnostic. Diagnostic. Tu arrives vers lui, enfin, plusieurs personnes t'ont conduit vers lui, et qu'est-ce que tu dis exactement quand tu le croises? Alors voilà, notre ami est mort dans des circonstances rocambolesques. Il s'est pris un coup de faux à la jambe. Si je m'abuse, c'est votre boulot. Oui, j'ai vu, et c'était vraiment pas joli à voir. On voudrait savoir si vous pourriez trouver des résidus de, je sais pas, de poison, de maladie, ou de quoi que ce soit d'inhabituel. À premier abord, j'ai pas vu de poison ou chose étrange sur lui. J'ai eu des dégâts. Après, peut-être qu'en faisant des analyses plus poussées, on pourrait trouver quelque chose, mais là, j'ai rien vu. Il s'est pris des balles également. Oui, il s'est pris des balles mais vous avez fait quoi? Vous avez affronté un gang? Ça ne c'est vous une regarde histoire. Pas, ce n'est pas votre métier. Monsieur. Bah, peut-être que je peux avoir des indices sur. Vous êtes très fort. Sur la nature de sa mort. Il s'est pris des balles et des coups de faux. Vous avez déjà vu ce genre de cas? Il cherche. Il cherche un instant, il réfléchit. Non, j'ai pas vu ce genre de cas. C'est vraiment quelque chose de. Je sais pas ce que vous avez, mais effectivement, les balles, j'ai déjà vu ça, effectivement. C'est des balles de tout ce qu'il y a de plus... C'est des balles classiques. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique dans les gangs à Harlem. C'est vraiment les balles qui sont trafiquées le plus souvent. Donc c'est assez générique, on les trouve facilement. Par contre, l'espèce de faux, enfin oui, les armes... Je saurais même pas décrire ce que c'est exactement. Je sais que c'est des lames courbes. Assez basse vu la position du cou, donc une espèce de faux, mais j'aurais pas à dire quel mot, qu'est-ce que c'est exactement. Écoutez, vous me paraissez être quelqu'un d'honnête, mais. J'aimerais vous confier des choses, mais qu'est-ce qui me prouve que je peux vous faire confiance? Ah, vous savez, je fais mon métier, je sais pas si je peux vraiment. Je n'ai pas l'audace de dire que je suis quelqu'un de parfait, mais. C'est à vous de décider. Moi, je fais juste un diagnostic et j'essaye de vous aider. C'est tout ce que je peux faire. Si vous voulez pas m'aider, je ne peux pas vous aider. Est-ce que le culte des chauves-souris vous dit quelque chose? Non. Je ne vois pas le culte des chauves-souris. De la chauve-souris. De la chauve-souris. Regardez ce dessin. Et on voit Clifford. Il dessine. On voit Clifford en train de prendre un papier dans sa poche. 2 heures plus tard. Et un crayon est en train de griffonner une sorte de note mystérieuse. Il se concentre à faire une moue étrange sur son visage. Puis il la tourne. Et ce symbole a été retrouvé. Il a dessiné une patte de chat. Non, vas-y, montre. Il est vraiment mauvais en dessin. Et non, je le taquine. Ce symbole. Il a été retrouvé sur le front de notre ami décédé. C'est un chat qui a marché. J'ai déjà vu ce symbole. Ah oui, entre parenthèses. Oh. Soleil entre parenthèses. Ah. Jacob l'a mieux dessiné, je crois. Mais c'est bon, il a reconnu avec mon croquis rudimentaire. J'ai déjà vu ce symbole. Sur des crânes, exactement. Enfin, sur des têtes, sur des fronts de personnes. Où ça? Il y en a eu pas longtemps, il y a pas longtemps, sur une personne qui a été enterrée hier ou avant-hier, je crois. Vous auriez son nom? Oui, bah oui, bien sûr que oui. Il s'appellerait par hasard Jackson Elias. Ah, ça me dit quelque chose, effectivement. C'est mon ami. C'était mon ami. D'accord. Eh bien, oui, je l'ai vu. Et j'en ai vu d'autres. Il y avait eu d'autres cas. Il y a assez longtemps, c'est assez rare, mais c'est toujours le même mode opératoire. C'est des espèces de d'armes qui font des gravures très profondes dans les crânes. cet effet post-mortem. C'est des personnes qui, des fois, qui se font attacher et qui gravent sur le front avant d'être exécutées. Il y a eu un cas, ces gravures se sont déjà faites près du port. Après, cette affaire a été surtout dans les journaux. Tout ce que je sais dessus, c'est les armes plus ou moins qui ont été faites dessus. Enfin, pas exactement, mais je sais que c'était une arme atypique, assez large et courbée. Près du port, qu'est-ce que vous insinuez par près du port ? C'était un journal que j'avais lu il y a un moment. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous renseigner sur ces armes atypiques ? Vous avez déjà vu ces armes quelque part ? Non, mais je me dis que si c'est déjà arrivé au niveau du port, on rencontrerait peut-être quelqu'un qui a connu une des victimes. Vous avez pas vu votre ami se faire attaquer à... Si. Ah. Mais on en avait peut-être ramassé une en plus, je crois, non ? On n'en avait pas dans le coffre, enfin pas de cette voiture-là, mais de l'autre voiture. Alors, si vous pouvez me la décrire, ce serait vraiment extrêmement enrichissant. Bah, c'était une espèce de grande faux avec une lame assez grande et courbe. C'est ça. Et après, j'ai pas très très bien vu parce que je suis venu un peu après, mais dans mes souvenirs, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Elle était sombre, elle avait pas l'air naturelle. On dirait que c'était une faux, mais pas fait pour couper l'herbe dans le champ. Enfin. Il y avait des petites ornements avec des gravures dessus. C'est ça, ouais. Elle était décorée, effectivement, elle était peinte en noir. Avec des gravures, je sais plus la couleur. Les gravures, ça fait un peu runique ou C'est possible que ces symboles correspondaient à quelque chose, effectivement. Mais alors à quoi? Je sais pas. Parce que moi, tant que c'est pas des kanji, je sais pas. Ah, je ne saurais pas trop. Il y a plein de boutiques qui vendraient des armes similaires. Peut-être essayer la boutique Juju à Harlem. Alors, c'est pas de là qu'on en vient? Alors on en vient, justement. Ah. On n'a pas trop envie d'y retourner. On n'a pas apprécié leur accueil. Ah, je sais que cette boutique vend pas mal de choses. Ils vendent des balles aussi. Notamment celles que s'est pris James. Ah, oh, intéressant. Ouais. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on contacte la police pour... je sais pas, inspecteur Poole pour le prévenir que James est mort. Et... je sais pas, envoyer une brigade là-bas. Vous en pensez quoi, les copains ? Peut-être que lui, y a incognito. C'est une bonne idée aussi, parce qu'ils ont pas l'air... de trop aimer la police. Non, je pense pas. Il va mourir aussi ? Ah non, s'il est réglo et qu'il menace personne avec une arme, il n'y a pas de problème. Alors ça, j'en sais rien. C'est la solide leçon au vieux. Et tu sais quoi, je propose qu'on en discute après une petite musique. La musique de Bogos. Alors attention, c'est une musique anglaise, donc Treasure Respect. Treasure. Vous avez bien aimé ? And the Treasure. Bienvenue dans un monde fantastique. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Effectivement, c'est enrôler dans la folie, votre émission. Les samedis de chaque mois. Pardon, oui, effectivement. Il y avait un petit problème, Clément, n'est-ce pas ? Ouais, tu le connais, ce problème ? Bien sûr, je le connais. Explique-nous, vas-y, dis-moi. Bah, ce que tu as fait, en fait, c'est que tu n'as pas baissé le bed. Exactement. On n'entendait rien du tout à ce que tu disais. Par contre, on entendait très bien la musique. Ouais. Elle est bien, la musique. Erreur de débutant. Oui, merci. Oh non. Mais, ah, le bâtard ! Shame. Shame on you, Teddy. J'ai fait beaucoup d'émissions, mais jamais. J'ai pas été souvent au bouton. Non, mais je troll, je l'ai fait toutes les semaines, moi. Ouah, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai dit que tu la connaissais bien, c'était. Non, mais voilà. Faut mettre un post-it. Qui ? Non, pas besoin de post-it. Faut juste y penser, c'est tout. Ça va venir. Ouais, y penser avec 40 ans d'intelligence. Fait mal celle-là. Mais ok, mais vas-y, mais je pars. Putain, j'ai tellement envie de dire tu croco. Tu pars dans le jeu ou dans la vraie vie, par contre ? Si il dit croco, je suis dans la merde. Mais bon, annulade, voilà. On reprend en relais dans la folie, du coup. Je suis sûr que si j'ai un pote qui écoute, il va faire « Ouais, je m'en fous, j'ai dit croco, il doit partir. » J'ai pas regardé mes messages, comme ça va éviter les problèmes. Voilà, effectivement. Très bien. Voilà. Alors, on en était où ? Alors, voilà. Coronavirus ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, on a encore calé. En plus, on vient de boire de la Corona. Ça se trouve, je viens de... est-ce que... quelques heures défilent dans l'hôpital. Tu as... Bon, vous restez peut-être un peu avec Xiao Tung. Xiao Tung, quant à lui, gagne 5 points de vie. Je sais pas si je reste. Ok. Non, il gagne 5 points de vie et... Et encore hein? Encore 5 et 5, 10? Ouais, là, en fait, t'as un médecin qui est venu et qui t'a dit... Non, t'en as que 5. Mais, il te dit... vous allez bien, du coup tu gagnes 5 PV. Il te dit, attendez, il vous faut les médicaments, on avait une rupture et maintenant on vient d'en retrouver. Il te donne des médicaments, des calmants et tu te sens déjà mieux. D'accord. Et tu te sens d'attaque, il fait, voilà monsieur, vous pouvez repartir. Mais j'ai encore des blessures, elles sont pas totalement refermées. Hein. Pour ça, il vous faudra un peu de repos, dormez une ou deux nuits de sommeil et peut-être que ça reviendra complètement. Comment ça, peut-être? Et l'infection au bras, elle s'est guérie au moins? Bah, on vous a désinfecté, monsieur, on vous a mis des bandages. Mais pensez quand même à regarder les bandages au bout de plusieurs jours, quand même. Ouais. Ne vous douchez pas avec vos bandages sans faire attention tout le temps. Ah, se doucher, d'accord. Enfin, oui. Ok. Je vais y penser à me doucher. Ouais, en regardant vos bandages. Ah oui, oui, en regardant les bandages. Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, eh bien, si vous pouvez vous toucher en dehors du bâtiment... Je vais me toucher en dehors du bâtiment. Oui, oui. Bien. Une fois sur pied, Xiao Tung se lève, vous rejoint, et notre petite troupe était presque au complet. Il manquait juste un membre qui était Il manque pas quelqu'un ? Si, il est actuellement dans la morgue. J'avais envie de faire la blague. Moi, j'ai décidé de pas prendre les médicaments que l'hôpital m'a donné. Ben, moi, si je les. Pourquoi tu les prends pas, Naomi? Parce qu'ils me semblent louches. Putain, j'adore ça. Qu'est-ce que j'aime. C'est toi qui les prendrais quand même. Je sais pas quoi te dire. T'as eu l'impression d'être maltraité quand t'étais là-bas? Je sais pas. Il a tellement insisté sur la prise des médicaments que je me suis dit, ça se trouve. Ça va pas. T'as guéri au final. Là, t'entends une voix dans ta tête. Prenez votre médicament. Naomi, pas. Clifford, t'entends pas ça. Je deviens folle, Clifford. Je sens qu'il faut pas que je les prenne parce que tout me pousse à les prendre. Ça n'a aucun sens ce que tu dis, Naomi. Prends un médicament. Je t'ai dit, je crois que je deviens folle. Je sais pas quoi te dire, ma chérie. Bien. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes réunis et que vous vous apprêtez à partir de l'hôpital? J'ai une question, les gens. On n'a pas une petite fête à faire là cet après-midi? Un enterrement. Ah ouais, pardon. C'est demain après-midi. On pense toujours les mots. Après, on peut faire une ellipse d'ici là, si vous voulez. Oui, le temps que ce soit marqué dans les obsèques, qu'il y ait des gens qui viennent, etc. D'accord. Bah, autant aller se coucher, retourner à l'hôtel et aller dormir. Bah, attendre, vaquer à nos occupations, lire des livres, des choses comme ça. Oui, voilà. On fait une ellipse jusqu'à demain après-midi. Et je précise que je prends mes pilules soir et matin. Mmh. Donc il m'en reste 17 si je calcule bien. Très bien. Moi je précise que je prends une douche en rentrant et que je regarde mes bandages. Est-ce que tu peux... Enfin ouais, on va faire une ellipse d'ici là je suppose. Mmh. Pendant ce temps-là, qui cherche à lire à regarder. Alors toi, ce que tu peux faire c'est lire les notes de Jackson Elias qu'il avait fait. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez Jonah qui vous avait passé une tonne de notes, un papier, enfin une grande pile de notes sur l'expédition Carlyle. Oui. Et c'était une pile qui était tellement grande que vous auriez pas eu le temps vraiment de tout lire. C'est pour ça que j'avais donné vraiment un attroupement de feuilles. Donc c'est ça que ça sert le paquet de oui, c'était ça. On peut lire en fait. Oh non, c'est tellement simple. C'est pas tout. C'est ça. Tu as le temps de lire, lance-moi des 4. Ouais. Un des 4. Ah, il a fait 4, il a dit. Très bien, c'est comme s'il avait fait l'inverse et en fait, il a fait 1. Il a fait 3. Alors, la première liasse décrit les multiples bureaux personnalisés officiels et des tribus qu'Elias a visités en quête de renseignements sur les cultes et le rituel. Rien de très concluant. Elias repousse pourtant la version officielle du massacre de l'expédition Carlyle. La deuxième Lias retrace le voyage d'Elias sur les lieux du massacre et souligne l'absence de toute vie animale ou végétale à cet endroit. Et note que toutes les tribus maudites par le dieu du vent noir vivant au sommet de... Enfin, non, que toutes les tribus seraient maudites par le dieu du vent noir vivant au sommet de la montagne, pardon. Attends, ça s'est passé où, ça? Ça, c'était le massacre de l'expédition Carlyle. Et de souvenir, c'était au Kenya. Ouais. Il y avait quelqu'un qui t'avait dit que c'était au Kenya. Ouais. C'est ça. Et la troisième liasse résume l'interview de Johnstone Kenyatta. Ce dernier prétend que le culte de la langue sanglante a pu massacrer les membres de l'expédition Carlyle. Jonah Kensington. Johnstone Kenyatta. Avec deux T à Kenyatta. Kenya avec un Y, ça s'écrit comme le Kenya et deux TA. Et lui soutient que... Alors ce dernier prétend que le culte de la langue sanglante a pu massacrer les membres de l'expédition Carlyle et que le culte serait installé dans les montagnes et sa grande prêtresse serait une partie de la montagne du vent noir. Après tu as Elias qui affiche un scepticisme poli, mais Kenyatta insiste sur ce point. Une collection de citations montre à quel point les tribus locales craignent et haïssent la langue sanglante. Un culte contre lequel les magies tribales restent impuissantes et dont le dieu n'est pas originaire d'Afrique. Voilà tout ce que tu as pu lire pour l'instant. Merci les podcasts. C'est vrai que si tu lis, ça pourrait être pas mal. Le temps de toutes ces lectures, pendant vous autres, qu'est-ce que vous avez fait d'ici à le lendemain après-midi, qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, moi rien du tout, à part prendre une douche le matin et regarder mes bandages. D'accord. Très c'est bien. Tout. Et est-ce que je regagne les PV? Non, tu gagnes pas de PV, tu viens d'en gagner 5. Bah ouais, petit gourmand. Maman, tété. C'est le lendemain, donc c'est un autre jour. J'ai dormi entre-temps. Et j'ai bien dormi. Tu as déjà dormi dans la... Enfin, tu as déjà eu un petit traitement, espèce de gourmand. Et non, je dors. On verra dormir, la nuit suivante. C'est un traitement. La nuit suivante, si t'es très sage, peut-être que tu gagneras des PV avec un bonus. Ah bah, ça dépend ce qui se passe à l'enterrement. Toi, Clifford, je te rappelle que t'avais un démalus. Ah. Tu te rappelles? À cause de lui. Quand il t'avait dénoncé. Oui, je m'en souviens. Je dis ça à l'avance, comme ça, la prochaine fois, sois pas déçu, sois pas surprise si je te donne un démalus. D'accord. Toi, Jacob, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps jusqu'au lendemain? Moi, pendant tout ce temps jusqu'au lendemain, je vais faire un tour en ville, mais dans des coins... pas mal famés, reculés, où il n'y a pas grand monde, comme j'aime pas la foule. Il va noyer son chagrin. Donc tu cherches quoi exactement? Un bar, un club, un endroit où il y a vraiment personne, que je puisse rester tranquille et puis essayer de penser à autre chose. Un endroit où il y a personne à New York, c'est un peu compliqué. Tu peux une rue. Ouais, à la limite dans un espèce de parc, ou sous un pont à la limite. Oui, voilà. Très bien. Et bien après cette petite ce petit instant, arrivons le lendemain, quoi? Naomi a fait quoi? Naomi, pardon, excuse-moi. C'est un gros bâtard, ce mec. Aussi j'entends toujours des voix, vu que j'ai pas pris mes médicaments. Tu as pas pris tes médicaments? Tu te sens un peu fatigué, même très fatigué, mais tu n'as pas d'effets étranges. Tu n'as pas de choses étranges qui apparaissent. Ok. Bah, je ne fais pas grand-chose. Je reste dans ma chambre, je me repose. Très bien, tu essaies de te reposer un peu. Je réfléchis aux derniers événements qui sont produits. D'accord. Bon, on va donc passer au lendemain. Donc le lendemain, Le lendemain. Je prends mes pilules. Hein, je... Mais tu prends tes médicaments. Rappelle-le bien. Je rappelle. J'écouterai. T'en fais pas que j'écouterai. Je vais noter à chaque fois. Un matin. Il les oubliera pas, ces pilules. Le lendemain, donc il est à peu près 14h, vous arrivez à nouveau, vous avez une sensation de déjà-vu sur ce cimetière. Il y a une pluie qui s'abat un peu sur toute la ville, la neige est déjà fondue. L'ambiance est assez sombre, c'est très nuageux, gris. Il fait froid tout de même. Il y a vraiment une sensation de tristesse et mélancolie qui ressort de tout le paysage, comme si tout le paysage vous envoyait une sorte de message. Vous arrivez devant ces grilles lourdes qui glissent lentement devant vous. Et vous rentrez dans ce cimetière. Dans ce cimetière, vous avez un homme qui se trouve déjà sur les lieux. Un homme qui est actuellement avec un grand parapluie. Et il se retourne et il voit la troupe arriver. Cet homme-là, c'était le lieutenant Martin Poole. Alors, vous arrivez, vous voyez le temps Martin Poole, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites ? Bonjour monsieur. Comment vous connaissez notre cher ami James ? Monsieur Poole ? Interprète ? Il est concentré, il vient de se réveiller, il est en train de dormir. Et quoi, attends, pas quoi, hein ? Il vient de se réveiller. Je suis désolé, j'étais dans mes pensées, vous savez, là, le... Franchement, c'est un jour triste, vraiment. Toute la communauté scientifique et policière est en deuil. Comment connaissez-vous notre cher James ? James, c'est un. Déjà, il était mondialement connu comme étant l'un des plus grands criminologues. Et puis non, récemment, là, depuis qu'on a travaillé, on a commencé à travailler sur cette enquête extrêmement étrange, là, avec Elias Jackson. Non, mais faut avouer qu'on s'est un peu rapproché, quoi. Y a pas à dire. Moi, je pense qu'on peut se considérer comme amis, quoi. Vous avez étudié le dossier ensemble ? Oui, exactement. Mais c'est lui qui me donnait les informations que vous trouviez. Moi, je vous donne des informations aussi. Voilà, quoi. Vous êtes devant la tombe attitrée avec le nom de votre ami. Ça fait bizarre, cette sensation de déjà-vu. Avec une ambiance encore plus pesante, avec cette pluie qui s'abat sur vous. La tombe de Jackson Elias n'étant pas très très loin, vous voyez deux personnes arriver. Ni plus ni moins, le croque-mort, ce que vous avez déjà vu. Et également le prêtre qui était là lors de l'enterrement de Jackson Elias. Il y a un véhicule avec le cercueil derrière et ils arrivent et commencent à faire leur prière, leur récit. Vous êtes tous là en train de regarder cette tombe, en train de vous recueillir. Toi Clifford, tu jettes un petit œil sur la tombe de ton ami Elias et tu vois la rose blanche que tu avais posée dessus qui commence presque à faner et subir cette pluie qui commence à flétrir. Elle était déjà comme si elle était, oui, elle mourait de chagrin elle-même. Qu'est-ce que vous faites ? Vous restez là un instant, vous priez ou... Moi, je vais voir le prêtre parce que j'ai l'impression que tout ça nous rend fou et je vais lui parler de ces cultes et si la voix du Seigneur pourrait nous aider. Tu lui dis quoi exactement ? Je lui dis que des événements étranges se sont produits et que la folie s'installe dans nos esprits et que j'aimerais trouver le pardon du Seigneur et retrouver cet Saint-Esprit. Je vois. Je vois mon enfant. Je sens que vous êtes perturbé. Il met sa main sur ton front et prononce un récit en latin. Puis, en la retirant, il te dit « Vos péchés sont pardonnés. » Oh, il y a une petite abeille qui passe sous la pluie. Oui. Sous la pluie. Ça fait du bruit. Et moi, personnellement, de voir Naomi avec un prêtre en train de se faire dicter une leçon en latin, ça m'insupporte. Je suis agnostique et je crois en aucune des croyances terrestres. Je décide de m'éloigner un petit peu et de profiter de cet orage. Je vois. Qui nous rapproche un petit peu des puissances divines. Ah, mais tu crois pas. Tu prends pas au Dieu et tu dis que tu te rapproches des puissances divines. J'ai dit des divinités terrestres. Ah, pardon. Tu crois en des choses bizarres? Poule, tu as eu une information. Poule. Au fait, tu as eu un retour concernant la viande analysée. Mmh. Et tu as juste entendu parler qu'il y avait une trace d'excréments de rats dessus. Je ne sais pas quoi faire de cette information, mais d'accord. Est-ce que tu veux leur en faire part ou tu la gardes pour toi? Je pense que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est tout ce que tu avais eu comme information. Non, je pense que pour le moment, il est important qu'on fasse notre deuil. Et... C'est ça. Des minutes passent, des heures passent sous cette pluie. On peut peut-être mettre Poule au courant des circonstances de la mort de notre ami. Ça peut être oui, une bonne vous idée, pouvez, effectivement. Discuter avec lui. Jusqu'à preuve de contraire, c'est une personne de confiance. Je crois. Pas sûr. J'hésite. Nous, vous pouvez voir. C'est quelqu'un de confiance. Et je te parle pas, toi. Si, ah merde, t'es inspecteur Poule. Ah oui. Bah écoute pas ce que je te dis. On va se mettre sur un mur. Si James lui faisait confiance, on peut lui faire confiance. Oui. C'est pas tout. Bon, il faisait confiance à n'importe qui, en même temps, c'était un ivrogne. Commence pas à cracher sur lui. Il faisait quand même l'enquête sur. Ah, il faut pas faire les faux culs parce qu'il est mort. Il y a aucun secret maintenant. Les mecs sont sur sa tombe, quoi. Ouais, de toute façon, c'était un connard. Il a sûrement des informations en plus sur l'enquête de. C'est possible. De Jackson Elias. Et de. Et de l'expédition Carlyle. Alors, vous discutez ou vous donnez des informations? Je pense qu'il faut discuter. Oui, on va voir le monsieur Poule et puis on le met au courant des circonstances de la mort de James. Donc vous le mettez au courant. Bah, oui. Tu peux lui. Ouais, tu lui donnes absolument toutes les informations. Cette histoire de voiture volée également ou t'essaies de tirer un trait sur cette. Je prends mes compères. Au secours, mes amis. Est-ce qu'on met l'agent Poule au courant pour la voiture volée? Oui, on peut. Tu peux, de toute manière, parce que elle n'est pas vraiment volée, elle nous a servi à nous sauver la vie. Oui, mais je l'ai volée quand même. T'as qu'à ouais, dire mais dans que Queen. C'était... Ah non, dans le Bronx. Tu l'as volée oh, je à sais plus des où. Voleurs. Harlem, c'est ça. Quel salaud. Et je viens de trouver. Bah, j'ai essayé de lui dire, mais de bifurquer pour faire passer ça comme... la légitime défense ou... Et monsieur Poule, qu'est-ce qu'il en pense? Oui, non mais vous savez, enfin, je comprends totalement l'urgence était là dans le fait de devoir voler cette voiture. J'ai essayé d'envoyer des gars pour retrouver le propriétaire et leur redonner la voiture, enfin ce qu'il en reste du moins. Et oui, non mais d'accord, c'est particulièrement intéressant ce que vous me dites là. Je voyais bien James faire ce genre de choses et je comprends totalement son geste. En même temps, je pense que s'il n'avait pas agi comme ça, vous seriez peut-être tous morts, parce que je pense qu'il vous tendait une embuscade là. Donc moi, je pense que ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de m'en renseigner par moi-même sur ce magasin-là, en essayant d'y aller en infiltration, et je vais vous tenir au courant dans les prochains jours. D'accord, très bien. C'est... Très bien, merci à vous. Faites attention à vous quand même, hein, parce que je vous rappelle que... On ne m'appelle pas l'inspecteur Paul pour rien. Ouais, c'est vous qui allez être là, Paul, et vous vous tirez comme un lapin. Bonne blague de chien. Je vous rappelle que je suis toujours officier de police, si vous me manquez de respect, je peux toujours vous enfermer. Vous gênez pas, surtout avec... Essayez donc. Mérité plus d'une fois. Ça commence à être drôle, ça. Bref, je vous laisse faire votre deuil de votre côté, comme je vais faire le mien en essayant de coincer ces fumiers. Au revoir, inspecteur. C'est quoi là ? Vous voyez l'inspecteur Poul s'en aller dans cette pluie et sa silhouette qui commence à se faire de plus en plus trouble avant de disparaître totalement sous cette pluie. Au revoir, inspecteur Poul. Au revoir, inspecteur Poul. Tu nous manqueras. Il part dans un quartier beaucoup trop chaud, je pense. Oui, c'est pas sûr qu'il en sort indemne. C'est vrai. Un bras en moins. Et il a claqué la porte du cimetière. la grosse porte. Il y a beaucoup de portes dans les cimetières, ouais. Métallique. C'était la grille. Ouais. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous avez vu, échanger avec monsieur Poul ? Vous avez eu quelques informations ? Je sais pas. J'ai pas retenu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait essayer qu'il allait essayer d'infiltrer la boutique pour de plus amples informations. Et qu'il va mourir. Comme ça aussi. Je crois. Mais bon. Bah, du coup, nous, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il nous a dit de faire notre deuil, ok, mais on va pas rester sous cimetière pendant des heures et des heures sous la pluie. Ouais, c'est vrai qu'il pleut. On risquerait de mourir ou de choper une pneumonie. Une pneumonie. Oui, bah oui, il pleut. Une pneumonie. Ça se voit que tu parles bien, pas bien notre langue. Ah bon ? C'est pas comme ça qu'on dit ? On dit une pneumonie. Une pneumonie. Non, Xiao, on dit une cuillère. une cuillère. Voilà. Cuillère. On risque de choper une cuillère. Voilà, donc Xiao, y aller. C'est bien. Merci, Clifford, t'es un vrai pote. Il n'y a pas de souci. Cuillère. Je vous propose qu'on se retrouve tous à l'hôtel pour faire un point sur ce qu'on va faire maintenant. Parce que rester sous la pluie pour parler de tout ça. Ouais. C'est mauvais. Choper une cuillère. C'est qui que... Bon. Très bien. Vous rejoignez l'hôtel sous la pluie. D'ailleurs, j'y songe, la voiture volée. Vous avez contacté votre chauffeur et elle est restée... Là, vous êtes avec le chauffeur de Xiao Tong. Oui, d'après le taxi, non ? Logiquement, enfin... La voiture, elle est restée à l'hôpital, du coup. Elle est restée à l'hôpital, la voiture. À moins que l'inspecteur aussi va avec. Pouvoir. Donc, vous arrivez à votre hôtel, le Stork Hotel, petit hôtel qui tombait un peu en lambeaux. Vous arrivez, votre hôtel qui est à la limite de Harlem quand même, entre Harlem et d'autres quartiers. C'est un hôtel de petite fortune, enfin de petite bourse. Vous arrivez, vous vous posez près de la cheminée ou vers de vos chambres, vous préférez quoi ? Dans les chambres, je pense que ça serait mieux. À moins qu'il y ait des salons. Il y a quelques petits salons, quelques petites. Il doit y avoir une ou deux pièces où vous pouvez vous poser. On peut peut-être retourner à la boutique de Juju vu qu'on est à Harlem. Non. Alors oui, t'es pas au courant de l'histoire. Naomi, je t'ai dit ce qui s'est passé là-bas. C'est un peu à cause de ça que James est mort. on y a déjà été, on s'est fait un peu planter comme des lapins. Mais on pourrait les espionner, voir. Les allers-retours, ce qui se passe. Alors, je veux bien, mais je pense qu'on devrait pas y aller aujourd'hui. Je suis pas totalement remis de mes blessures. Putain. Est-ce que toi, t'es remis, Clifford ? T'as retrouvé tous tes PV ? Toute ta santé ? Moi ? Ouais. Oui. C'est vrai ? Oui. Putain, je suis le seul encore à avoir des blessures. Ouais. Ouais. Ça t'empêche pas de marcher ou quoi ? Non, effectivement, mais nous arrive des couilles, on va galérer quand même. Rappelez-vous, la dernière fois, on a quand même failli y passer. Hein. On va pas se battre. Ouais, c'est ce qu'on a dit la dernière fois aussi. Et regarde où on est, James. Mais si on rentre pas dans la boutique, y a pas lieu d'avoir... Quel bête. On les espionne de loin. Oui, voilà. Pourquoi pas. En voiture, du coup. En voiture. Parce que de toute façon, le monsieur Poul va déjà infiltrer le magasin pour avoir des informations. D'accord. Comme ça, on pourra peut-être le surveiller. Voir s'il s'en sort. Eh bien, vous avez une stratégie. Je suis épaté. Contrairement à je rentre dans le tas par rapport à tout à l'heure, là vous voulez espionner avant de faire quoi que ce soit. Oui, mais vous êtes en train de mettre au point une stratégie, je suis impressionné. Wow. Grâce à moi, s'il vous plaît. On apprend, voilà. On apprend de nos erreurs. Ça s'appelle un cerveau féminin. Attends, on n'est pas devant. On n'est pas devant. Ouais, bah, toi, tu voulais rentrer dedans. Non, je voulais enquêter. Tu voulais dire bonjour. C'est moi qui parlais d'enquêter. Bonjour, on enquête sur l'affaire Carpathia. Vous vous souvenez, il y a deux jours, là, vous avez tué un de nos mecs. Bah. On est revenu. On est venu vous offrir des chocolats, on est désolé. C'est super sympa, vous voulez que vous en tuiez un deuxième. C'est moi qui ai dit espionnez pas vous. J'appelle mon chauffeur. Donc, après cette petite discussion, là, il est quoi? Il est à peu près 17-18 heures. Il est à peu près 17-18 heures, vous êtes mis un peu autour d'une table, après vous avez discuté un bon moment. Le fin mot de cette discussion, c'était que vous voulez les espionner, mais quand ce soir ou le lendemain? Bah, ce soir, ça sera plus discret. Ce soir, ça sera plus discret, il y aura sans doute plus de choses qui se passeront. Exact, peut-être, oui. Mais la boutique sera peut-être fermée. Bah, ouais, mais il y aura sûrement de l'agitation autour. La boutique, les heures d'ouverture sont fermées, c'est sûr, mais il y aura toujours l'activité. Oui, après, on peut aller voir. Ça coûte rien. Ça coûte une jambe. Très bien. Eh bien, est-ce que nos petits rescapés qui vont retourner dans les lieux les plus sombres Harlem. De leur existence à Harlem vont-ils en sortir indemnes? Ou rejoindre le sort de ce pauvre James. Ou retourner voir James, exact. C'est ça. Et ben ça, on le saura après la musique de Christos Mastoras, Human. Vu dans un monde fantastique, on va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Effectivement, c'est enrôlé dans la folie sur Indestar. Oui. Comme vous venez de l'entendre, il y a un petit blanc, la musique a dû s'arrêter. On a eu un petit souci technique, comme on appelle ça dans le jargon de la radio. Mais du coup, je vais en profiter justement parce que la radio, c'est Indestar, et vous pouvez retrouver nos podcasts d'Enrôler dans la folie sur indestar.fr, ainsi que sur Deezer, iTunes, Spotify, et plein d'autres sites de podcasts. Nous rappelons qu'Enrôler dans la fourmi, c'est toujours tous les premiers samedis. De chaque mois, exactement, de 20h30 à 23h, avec toi, Voirl, en tant que MJ. Exactement. Tu t'avais bien. Avec les pauvres joueurs. Morts. Pas encore. En vrai, les seuls joueurs que je manipule plus vraiment, c'est les joueurs morts. Et encore. C'est vrai. Juste comme ça, t'en fais beaucoup, toi, des GDR? Cthulhu, jamais. Si, une fois par mois au moins. Oui, bah du coup, oui. Sinon, GDR classique en ce moment. Ah, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas. Bah, depuis que je me suis lancé dans le Cthulhu, j'ai plus trop fait de GDR. Tu es satisfait? Oui, c'est sympa. Puis après, c'est assez chronophage, faut prévoir quand même la suite. J'avais déjà raconté que j'avais fait pas mal de JDR. Je vais peut-être me relancer dans un JDR, une ambiance. Film d'horreur avec en gros des imbéciles qui vont dans un cimetière et qui vont essayer de faire des âneries parce que voilà, c'est des jeunes bourrés, etc. Et il leur arrivera des problèmes à la suite. Ouais, quand ils jouent un peu avec le feu. Parce que, on rappelle, on a déjà fait quand même beaucoup de GDR ensemble. Enfin, moi pour ma part, en tout cas, c'est beaucoup vu que tous les GDR que j'ai fait quasiment t'étais là. Mais bon. On a fait un GDR ce thème des zombies. On a fait zombies, pirates et t'étais là que j'avais fait la version pirate, enfin ma version pirate. J'avais créé une suite pour le GDR pirate, je crois. J'étais là après la momie. Alors dans le GDR pirate, à la fin, on avait une momie à affronter une momie géante. C'était moi. Oui. C'était la réincarnation de mon personnage qui était décédé. Qui était mort et finalement, elle était venue avec nous. Oui, parce que je servais de voile au bateau. Cette suite là après. Histoire formidable. Ouais. Cette suite-là, après, c'était un truc que j'avais écrit moi-même. D'ailleurs, je m'étais tellement fait chier que j'avais fait des playlists sur YouTube où, en fonction des événements, un peu comme Skyrim, il y avait une musique en fonction de chaque événement. Genre, si vous arrivez dans une ville, il y a telle musique. Si vous êtes dans un bar, il y a telle musique. En fonction de chaque boss, il y a une musique épique. Fait un... Et un ouais, audio. Je m'étais amusé. Et genre, quand vous prenez les voiles, enfin quand vous prenez la mer, il y a la musique des cités d'or quand le bateau part. Et c'est assez marrant. Je m'étais bien fait chier pour ce scénario, mais il était vachement stylé. D'accord. Et est-ce que t'as une idée de prochain GDR? Il y a le fameux JDR avec les abrutis dans le cimetière. Après, en JDR, on a acheté un JDR Rick et Morty, où on voulait en acheter, je sais plus. On voulait. Et on pensait peut-être le faire à la radio, le JDR Rick et Morty, si ça vous intéresse. Puisqu'on parle de ça, moi, dans J'ai vu la lumière, ma prochaine idée, c'est de faire des improvisations qui duraient beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'il pourrait durer jusqu'à une heure avec les mêmes personnages. Un petit peu sur le modèle de Mystère à Saint-Jacques, le podcast de François Descraques. Donc tu ferais une spéciale J'ai vu de la lumière. Alors, qui durerait... Ce serait pas une spéciale, ce serait juste une émission avec une improvisation plus longue. Spéciale. Une spéciale, parce que je sais que t'es dit, toi, tu adores les spéciales. Bah, à partir du moment où c'est différent de ce que tu fais d'habitude... C'est spécial. C'est spécial. Après, c'est dur d'argumenter contre ça, en effet. Vrai, mais après, si... Tout devient spécial, plus rien n'est. Et oui, mais... C'est pas faux, mais... Disons qu'il y a un standard... je sais pas, moi, je parle pour PK Avenger, parce qu'effectivement, là, on est des dirigeants d'émissions qui parlent. Ouais. On a chacun notre petite émission à mener. Ma grosse émission. tu veux qu'on pose nos couilles sur la table? Non, c'était pour la blague. Oui, évidemment, bien sûr, on s'adore tous dans cette... Quoique... Non, on s'aime tous dans cette radio. Non, mais non, dans Pack Avenger, tu vois, quand on se présente chacun nos rubriques, pour moi, j'appelle ça une normale. Après, quand on a une thématique en commun, j'appelle ça une spéciale. Quand on a, je sais pas, des thématiques qui se ressemblent, on appelle ça une spéciale. Quand on fait autre chose en extérieur, on appelle ça une spéciale. C'est vrai qu'on aime beaucoup de trucs spéciaux, mais... Ah, tu vois. Attention. C'est vrai. Mais pour moi, tout ce qui sort du moule, c'est une spéciale. Mais, bon. Mais après, oui, si t'as pas envie d'appeler ça spécial, tu peux ne pas appeler ça spécial. Bon, on va peut-être reprendre le JDR. Oui. Oui, mais avant ça, on va écouter Le Pied de la Pompe, Le Grand Mystère. Vraiment? Vraiment? Bah ouais, vraiment. D'accord. Il avait pas l'air d'accord, notre cher ami Michel. Surtout qu'en fait, on a fait que parler depuis la dernière chanson, on a même pas joué. C'est normal, parce qu'on va écouter Le Pied de la Pompe. Wow. On vous embarque avec nous, 20h30, 23h sur Indestar. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Enrôlé dans la folie, votre rendez-vous de premier samedi de chaque mois reprend sur Indestar. Descends ce bête. Il est descendu. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu un poumon. Je peux pas faire pareil. Tu as contracté un cancer. Le bâtard. Non, mais j'ai peut-être gagné des PV. Non, je déconne, j'arrête. Ah, de réclamer, attention, ça... Bah, j'aimerais bien quand même regagner tous mes PV, tu vois, pour être safe. Ah, mais arrête de faire une fixette sur ça, c'est le jeu. Ouais, mais vu que tu es le plus balèze et celui qui se la raconte le plus, j'ai envie de te les faire descendre, tes PV. Mais comment je vais pouvoir faire pour casser des gueules? Justement, tu vas pas subir. Bon, les gars, si on partait en... Alors, vous prenez la voiture. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'elle a, ta meuf? C'est la voiture de... Ouais. Y a... Oui, non. Elle est pas là parce qu'elle était fatiguée. Elle a décidé de rester parce que tu sais, elle a une narcolepsie. Naomi, elle dort tout le temps. Ah, c'est rendormie encore. Donc elle a eu cette bonne idée de faire un petit plan d'espionnage, mais là, pour le moment, elle dort. Oh bah c'est génial. En plus, c'était la seule qui pouvait rentrer dans le bâtiment incognito parce que ils connaissent pas son visage. Non, mais on peut mettre des moustaches. C'est vrai que c'est un peu cool. J'ai jamais vu de chinois avec une moustache. Ah si. Mais quand même, c'est peu courant. On y va, les gars. Allez, c'est parti. Ouais. Peut-être qu'elle avait besoin de repos. Bon, vous avez tous un peu besoin de repos, mais elle en avait besoin aussi, je pense. Xiao, prend ta voiture. Ouais, j'appelle mon chauffeur. C'est vrai que la bonne idée de ne pas avoir pris de voiture, c'est qu'il devrait peut-être pas vous reconnaître dès le début. J'en profite pour dire que j'ai deux pistolets en ma possession après que j'ai pris celui de James. Tu devrais peut-être en donner un, celui de James justement. Qui n'en a pas ici. À Jacob. Moi j'ai mon arc. Et t'as des flèches avec? Oui. Bah donne-le-moi alors. T'es plus à l'aise avec l'arc? Oui. Et bah. Oui, j'ai jamais touché une arme de ma vie. Je suis pas mauvais moi en dextérité. Xiao, maître de kung-fu, bon on prend l'arme, prend le pistolet. Ça fait un peu bizarre mais bon, je m'en servirai pour cogner dessus. D'accord. Et cette fois-ci, faut qu'on ait la gâchette facile. pour pas qu'on se fasse savoir comme la dernière fois, à mon avis. On les tuerait ? Ok. Enfin, il faut réfléchir quand même, Xiao. On les tue, quoi. Réfléchis quoi ? Non, vous faites rien du tout. Juste soyez aux aguets. Voilà. On reste juste attentif et vous ne sortez pas vos armes à moins d'être okay, vraiment sûr. Ok, j'arrive à la sécurité. Bon bah, allons-y du coup. Allez, vas-y, Roger. Il y a Roger qui démarre la voiture, qui part et vous arrivez sur une route un peu verglacée tout de même, qui a tendance à chasser un peu dans les virages. Vous arrivez devant cette fameuse boutique qui vous rappelle quelques mauvais souvenirs. Devant cette boutique, vous avez l'équivalent de... où il y a une personne qui est posée devant cette boutique. Qui semble pas spécialement bouger. Il est en train de fumer une cigarette. Tranquillement. En train de... regarder. Il a l'air d'être plutôt paisible. Il fume sa clope, il fait une petite pause clope. Ils sont louches. Vous garez vraiment devant ou un non, peu loin? Non, un peu plus loin, mais que la voiture soit quand même assez proche pour qu'on très puisse bien grimper dedans, sans que je vole de voiture. Donc vous avez une personne qui fait une petite pause clope qui est juste devant la boutique. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a déjà vu ou pas cette personne là? Ouais. En même temps, ils étaient cagoulés, tu me diras. Mais... Non, pas tous. Là, non, tu l'as pas déjà vu. D'accord. On le tue ? Non, toi tu bouges pas. J'essaie de... Je regarde, voir si je trouve pas... Enfin, si je trouve pas... Non, si je vois pas quelque chose de louche, quand je regarde un peu mieux. Je regarde, quoi. Compétence, voir des trucs. Bah non, mais... Utiliser des yeux. Pour l'instant... Je zioote vraiment bien, quoi. Tu vois pas un truc qui te saute vraiment aux yeux tout de suite maintenant là. Oui, j'y pense. Tu viens tout juste d'arriver, tu vois juste un mec en train de fumer, pas trop. On pourrait essayer de rentrer par la petite ruelle à côté et de faire le tour par derrière. Il y a une petite ruelle à côté? Bah ouais, celle-là. Là. Ah. Si tu observes effectivement, alors il y a pas une ruelle spéciale. En fait, la. C'est une impasse. La boutique Juju, en fait, elle est vraiment dans un angle entre deux rues. Elle est dans une bordure, c'est dans un angle. À côté de la boutique Juju, il y a une petite maison abandonnée. C'est un prêteur sur gage. Et elle est un peu dans un mauvais état, mais il y a quelques planches dessus. Ouais. Pas plus de choses en particulier. Un prêteur sur gage. Les gars, ça veut dire objet, ça veut dire artefact, ça veut dire... Ouais, est-ce qu'on irait pour y faire un tour? C'est un truc abandonné. Hein, c'est... Bah, oui. Juste à côté de Juju. Ouais, juste à côté de Juju, il y a un ancien bâtiment. Donc, pour résumer, si Juju a besoin d'un entrepôt encore plus secret que le magasin lui-même, ça serait peut-être cet endroit-là. Tu crois? C'est vachement tiré par les cheveux, en vrai. Ouais, mais non, je suis assez d'accord. Une maison abandonnée avec des planches clouées sur les murs, sur les vitres. Bah ouais. Juste à côté de la boutique. Pourquoi ils devraient s'emmerder à entreposer des trucs? Parce que personne n'y va, parce que c'est abandonné. Bah oui. Et puis ça se trouve, C'est pas con. Ça se trouve, il y a des choses à cacher. Bah ouais, mais pourquoi ils cachent pas dans sa boutique? Parce que ça serait pas caché si c'est dans sa boutique. Jaos. Soudainement, vous voyez un homme arriver. Et qui titube un peu, il a l'air vraiment bourré, et il se pose juste à côté de celui qui avait la cigarette. Il se pose au sol, il s'allonge et il tangue un peu. Enfin, il a l'air bourré en fait. Et il se pose. Il se pose à côté de l'autre qui est en train de fumer. Ouais, juste à côté du mec qui est en train de fumer. Il tangue et il a l'air à moitié en train de rigoler, à moitié en train d'être pas bien en fait. Il est bourré. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On tire. Non, mais Xiao, range ça. Je plaisantais, c'était mes doigts. Mais bah du coup, vous voulez rentrer dans le bâtiment à côté? Bah pourquoi pas après tout. Mais ça va être chaud quand même pour être discret, hein, parce que les autres ils vont peut-être nous voir. Je propose qu'on attende un peu, qu'ils fassent. Ils s'imposent plus tard. Pas bête. On attend qu'il finisse sa pause. Oui, et peut-être qu'on pourra soutirer des mots au poivreau aussi. Aussi. Un poivreau, okay. Ça parle. Bah, dès que l'autre a fini sa pause, je vais chercher le poivreau et je le ramène dans le bâtiment à côté. En attendant, vous foncez dedans. Non, attends. On sait pas ce qu'il y a dans le bâtiment, ça se trouve, il y a quand même des gens, faut y aller prudemment. Ah, c'est pas bête. James aurait fait comme toi, tu vois ce que je veux dire? Ah non, James, il aurait picolé avec le poivreau. Oui. Ok, comment voulez-vous y prendre pour entrer dans ce bâtiment sans se faire voir par ces deux... Avant de rentrer, on va essayer de regarder. Non, mais voir s'il n'y a rien à l'intérieur, s'il n'y a pas des allées venues, si... Ouais. Allez, on va pas rentrer comme ça. Bonjour! Alors que s'il y a Et pas au pire... Bon. Du coup, c'est encore nous. Le mec est en train de fumer, je propose qu'on attende une demi-heure, voir s'il termine sa pause clope. Oui. D'accord, ouais, pas bête. Ok. Bah Roger, ne bouge pas. On attend. Ok, donc vous attendez une petite demi-heure, puis le mec qui faisait sa pause clope, tu le vois retourner à l'intérieur, et en fait il ouvre la porte de la boutique, et il rentre à l'intérieur. Et juste après, vous avez deux autres personnes qui viennent, qui sortent, qui s'allongent un peu au sol et qui discutent avec le mec qui est bourré, et ils essayent de regarder s'il va bien, enfin tu vois, s'ils ont l'air de... D'appeler les pompiers de l'époque, tu vois. Ouais, genre, enfin pas forcément appeler les pompiers, ouais, mais essayer de le calmer, tu vois. D'accord. Merde, maintenant ils sont trois. Ouais, je vois ça, ouais. Est-ce qu'on appellerait pas les pompiers justement en disant qu'il y a quelqu'un qui est mal en point, inspecteur Poule? Ah non, pas lui. Mais non, justement, il veut rentrer en infiltration. S'il commence à venir enquêter. Si on lui dit ça, il va pas être content, je pense. C'est vrai, mais par contre, c'est pas bête, on peut peut-être demander à quelqu'un de faire une diversion. Genre, on peut demander à un passant d'aller leur parler, comme ça. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Ouais. D'envoyer quelqu'un à notre place. T'as vu, j'ai une bonne idée. Bah, on envoie Jacob. Quelqu'un, on a dit. Ah oui, c'est vrai, quelqu'un est-ce d'autre. Est-ce qu'il y a des passants dans cette rue? Attends, je vais regarder. Tu regardes, il y a quelques passants, ouais, en général, il y a toujours un peu de monde à Harlem. Toujours des personnes qui passent, sans trop. Est-ce que je peux demander à Roger de s'arrêter à côté, enfin d'avancer un petit peu et de s'arrêter à côté d'une femme? D'une femme? Ouais. Quoi? J'ai un plan. Ah, une femme avec un F majuscule ou une femme. Qui ressemble à une femme? Ok. Un humain féminin? Ok, alors. T'as besoin de trop avancer la voiture, mais si t'attends un peu, au bout d'un moment, il y a une silhouette féminine qui passe. Elle passe à côté de la voiture, elle frôle la voiture. Elle arrive. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je l'interpelle et je donne la parole à Clifford. Donc, madame, excusez-moi, mon ami souhaiterait discuter avec vous. Vas-y, parle-lui. Dis-lui d'aller parler au mec. Madame, bonjour. Excusez-nous de vous déranger par cet après-midi. Enfin, soirée, madame, je voudrais ça. Putain, mais Xiao, dans quel bourbier tu m'as mis là? Propose-lui de l'argent, si elle veut pas. Mais de l'argent pour aller faire quoi? Mais juste aller parler au mec pour faire une distraction, pour les occuper pendant au moins 5-10 minutes, histoire qu'on rentre dans le bâtiment. D'accord, bon, c'est malin. Je t'avais peut-être mal jugé. Elle fronce les sourcils et elle dit Je sais pas ce que vous voulez, mais vous êtes vraiment des gens bizarres. Ah, c'est mon ami, là, et il est un peu coincé, mais en fait, on a une requête à vous soumettre. Il y a des gens bizarres là-bas, les trois personnes là-bas, vous voyez. Parmi ces trois-là, il y en a un, c'est un poivreau, il est un peu bourré. Et c'est un de nos amis, mais on n'ose pas approcher parce que les deux autres, ils ont l'air un peu menaçants. Du coup, on aimerait bien savoir s'il va bien et tout, donc on aimerait bien que quelqu'un d'autre aille demander à notre place. Fais-moi un jet de diplomatie. Je sais pas si vous avez une... Enfin, c'est quoi ça? T'as une stat, toi, qui est très mauvaise, je crois, de souvenir. D'intelligence? Non, plutôt diplomatie. Intimidation? Intimidation, j'ai lancé... Crédit? Non, pas crédit. Sauté? Persuasion? Persuasion, peut-être. Persuasion? Persuasion, ouais. Je le vois pas, persuasion. Ah, c'est peut-être un truc que t'as... En haut à droite. T'as 10%. De base? Ah ouais, j'ai plus la merde. J'ai 60%, moi, perso. Tu peux essayer si tu veux. Ouais, qui essaye? Moi, je vais essayer de la persuader. Ouais, reprends la discussion. Alors, Ouais, Clifford. Et tu fais avec un dé malus. Un dé malus. Tu lances deux fois les dés et tu souviens de ce trapèze, tu prends le mauvais score. Pourquoi? D'accord. Parce que c'était par rapport à la semaine dernière où t'as eu le dé malus. C'est qui m'avait dénoncé déjà? C'était notre défunt ami qui n'est plus de ce monde. Tu peux plus te venger. Gueule. Tu peux plus te venger, il est mort. Alors, je vais pisser sur ta tombe si tu veux. Ce sera immonde comme la fin du 89. Monde. 89. Ah bah c'est déjà mort. Ouais, et 43, oui, donc c'est mort. Est-ce que je peux T'as fait combien, 89? Ouais, et j'ai 60%. Fronce ses sourcils et fait je veux pas avoir affaire à ces choses-là. Pièce en va rapidement. Ah. Est-ce qu'on peut demander à un gamin contre une pièce? Ça serait plus simple, non? C'est vrai que ça coûterait moins cher. Ouais. Et pourquoi on n'appellerait pas les pompiers en disant qu'il y a quelqu'un qui aimerait avoir le point sur... Là, il est quelle heure? Il doit être... Parce que j'ai pas de téléphone. 21h, non? Ouais, c'est vrai, ça. Ça n'existait pas les portables à l'époque. J'appelle sur mon iPhone. Mais vous avez des cabines, hein. Vous avez des cabines téléphoniques un peu partout. Ah oui, bizarre. Ils s'arrangent pour qu'on puisse faire. Non, mais c'est pas une histoire de m'arranger. C'est il y avait pas de portable, mais à l'époque ils avaient plein de cabines. C'était déjà assez développé de ce côté-là. Moi, je propose qu'on aille voir le gamin là, et si ça marche pas, on appelle les pompiers au pire. Comme ça, au moins, c'est réglé. Ouais, possible. Vas-y. Que le gamin, ça sera plus rapide. Bon, les gars, laissez-moi faire, d'accord? Vas-y. Les gamins, je sais leur parler. Ou sinon, je suis intimide. Non, il va avoir peur, il va aller voir sa mère, non, c'est des embrouilles. C'est vrai qu'il va mourir. Est-ce qu'il y a un gamin qui passe? Non. Ah, j'ai de chance. Attends. En plus, aux États-Unis, ils filent toujours des pièces aux gamins pour qu'ils aillent faire des trucs, c'est vrai. Un télégramme, un truc. Au bout de 4 heures. Oui, d'attente. Je pense que vous aurez perdu patience d'ici là, sûrement. Mais au bout de 4 heures, vous avez un gamin qui passerait. On va dire que ça fait une heure qu'on l'attend et toujours pas de gamin. Ouais, vous attendez une heure si vous voulez et toujours pas de gamin. C'est assez long. Là, est 21h30, 22h à peu près. 22h à peu près. On appelle les pompiers, hein, ça ira plus vite. Et ils sont toujours là, les trois loustics. Vous remarquez que à peu près toutes les 30-40 minutes, t'as les mecs qui sortent de leur petite pause clope et ils sont rapidement rejoints par d'autres personnes. Il y a toujours le pochetron mal au point? Ouais, il est toujours là. Au bout de combien de temps? Une heure, c'est ça? Au bout d'une heure, il est toujours là, en fait. Il est posé. Il a l'air de se poser et s'y plaire. Les mecs ont même fini une clope. D'accord. Ben, du coup, ouais. Faut peut-être qu'on fasse quelque chose au bout d'un moment. Non. Ouais. On peut pas essayer de contourner la rue pour voir s'il y a une entrée de l'autre côté? Si, ça serait peut-être une bonne idée. Non, pourquoi pas? C'est une idée comme une autre. Toujours en voiture? Ouais. Avec Roger. Vas-y, Roger. Emmène-nous, fais-nous un petit tour du bâtiment. Roger démarre. Fais le tour du pâté de maison. Il fait Roger. Un peu le tour de pâté de maison. Et en fait, comme je le disais, c'est une maison qui est vraiment en bordure, entre deux allées, qui est en bordure. Et donc, le pâté de maison, c'est plutôt le pâté de quartier un peu. D'accord. Et à part cette boutique de prêteur sur gage abandonnée, il n'y a pas grand-chose derrière la boutique. Enfin, c'est vraiment une boutique qui est collée, quoi. Et l'autre bâtiment à côté, est-ce qu'il y a une autre entrée? Sur l'autre bâtiment à côté, il y a une porte, mais elle est scellée par des planches en bois. On peut peut-être essayer de rentrer par cette truc, mm-hmm. Parce que c'est quand même une vieille bâtisse, elle a été enfermée, enfin condamnée, j'imagine, il y a longtemps. Ça doit être assez vermoulu, ça se voit, je pense, que je peux l'enfoncer. Hein. On peut essayer ça. C'est discret ou pas comme entrée? Ça pourrait être, mais... Ouais, il faudrait être quand même discret. Assez discret minimum, quoi. Discret, j'utiliserai ma dextérité pour pas être discret. Ok. Qu'on soit tous discrets, sinon ça marche pas, non? C'est vrai, ça. C'est possible que vous pouvez... Ouais, mais dans le bâtiment, vous allez pas faire de bruit. Non. Oui. Et on a qu'une seule porte à enfoncer, parce que c'est ça qui fera du bruit, non? C'est vrai que c'est plus l'histoire de enfoncer la porte qui pourrait faire du bruit que... Bah, vas-y Roger, mets-toi là, garde-toi à côté discrètement et puis dépose-nous là. Puis il va te cacher après. Eh ben faisons comme ça. Ok. Merci Roger. Merci Roger. Donc ferme bien ta portière Flo. Jacob. Clac. Merci. C'est bien. il l'a claqué avec le jet de discrétion qu'il avait. Pas trop grand. Vous arrivez à côté de cette... J'arrive devant la porte et j'essaie de l'enfoncer. Là, j'arrête tout le monde et je vais écouter, voir si j'entends rien à l'intérieur, avec ma compétence écouter. Ok, fais-moi un jet. Écouter. Il a une compétence écouter. Qu'est-ce qu'il y a? On a tous une compétence écouter. On a 20% en écouter à chaque fois. Moi, je suis à 75. tu penses pas quand même à ce que je pense. J'ai fait 55. Et t'as 70? 75. Ah, parce que t'aurais eu un bruit de prout sinon. Alors, on serait pas rentré. T'entends pas dans la boutique, dans le bâtiment en question. Par contre, tu entends un bruit répétitif, très répétitif, comme. On va faire un petit ASMR. Comme un. T'entends quoi? Un bruit similaire. On dirait répétitif. Comme un tambour ou. Je vous refais le. T'es pas obligé. Maintenant, on frappe pas sur la porte. Ah. Il va nous entendre. Alors ça, je l'ai entendu où? Dans le bâtiment ou dans la rue? Tu sais pas trop, mais en tout cas, oui, tu l'as entendu. D'accord. Je leur dis, vous entendez pas comme des bruits de tambour? Si. Ou des... Si. Si, vous pouvez peut-être l'entendre. Si vraiment vous tendez bien l'oreille. Y a pas une fenêtre qui est pas condamnée? En hauteur. Enfin, à portée de main, en bas, il y a la porte. En hauteur, vous avez des fenêtres, mais elles sont condamnées également. Ah, merde. Parce que sinon, j'avais une compétence sautée. Et... Si tu regardes la porte condamnée... T'as grimpé aussi, hein. Ouais. Ouais, j'ai grimpé. Et j'ai 50 en plus en grimper et sauter. Ouais, tu peux essayer de voir, mais ça reste condamné. Après, elle a l'air... assez solide. Tu penses que tu peux l'enfoncer en un seul coup si vraiment tu te démerdes vraiment bien, mais faut vraiment démerder. Au pire, on va essayer d'ouvrir, on verra bien. Elle est condamnée, donc en théorie, personne peut rentrer. Mais vous pensez quoi de ce bruit? Vous pensez qu'il vient d'où? Je sais pas, peut-être une horloge, une vieille horloge. Elle a fait un bruit bizarre, ton horloge. Ouais, je sais pas, en Chine, ils font des bruits bizarres. Non, mais vous pensez que ça vient de dehors ou du bâtiment? Ah, je m'entends pas, moi. C'est un bruit plutôt d'intérieur. J'ai l'impression que ça vient de l'intérieur. Si ça vient de l'intérieur, on va peut-être pas forcer l'entrée. Après, il y a pas. Il y a quelques lueurs qui vacillent au niveau de la boutique Juju. Vous avez quelques. Comme s'il y avait des bougies. Mais venant de la maison abandonnée, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Vous savez quoi? Je l'enfonce et on verra après. Hein. Ah non, stop. Oh. Ah, c'est trop tard, je suis lancé. Hein. Non. Et t'enfonces la porte? Ouais. Vas-y. Fais-moi un jet de force. Pouah 0, 0, 0. Vraiment? Ouais. Ok. C'est magnifique. Tu te rends compte que le bois, en fait, il était... J'ai ressuscité James. Il était assez pourri. Le bois était assez pourri. Enfin, les planches étaient plutôt solides, mais elles tenaient à pas grand-chose. Et derrière, la porte, elle était complètement pétée. Tu arrives à enfoncer la porte sans problème. En fait, tu te rends compte que finalement, c'était du gâteau. En prime, tu réussis à pas faire de bruit. Et tu rentres à l'intérieur et tu as une... Tu as une espèce de nuage de poussière qui te vient au visage et tu sens une forte odeur de poussière qui te prend le nez. Tout est sombre, abandonné, c'est gris. Tu ne vois pas grand chose. Tu vois vraiment, est-ce que je regagne un point de santé? Non, par contre, tu peux te faire écraser par une voiture si tu insistes. Dans un bâtiment. Ce serait l'inspecteur Poule. Non, vas-y. Ça y est, je suis rentré, les gars, et y a personne. Enfin, ça valait le coup. Ouais. Est-ce que le magasin à côté, il est gardé ou il y a une fenêtre qui est libre d'accès, entre guillemets? Une fenêtre pour rentrer dans le magasin d'à côté? Ou pour observer? C'est-à-dire qu'on voyait des lumières. Ah oui, si on voit des lumières, c'est comme ça. Pour l'instant, fenêtre. En fait, vous êtes rentré à peine dans le magasin et il fait ni noir, vous voyez rien du tout. D'accord. Il doit être à peu près 22h30. Il y a quelqu'un qui a une lampe torche? J'ai un briquet. T'as un wiki. Ah, c'est cool, ça. J'ai des. Oui, j'ai des allumettes du tigre trébuchant. Ah bah attendez, je prends un bout de mon pagne. Hop, je le mets sur le bout de planche de la porte. Et hop, une torche. Tiens, ah non, faut de l'huile. Non, j'ai des allumettes. Ah oui, si. Faudrait de l'huile, idéalement. J'ai de l'alcool. Non. J'ai de l'alcool, j'ai des pieds de l'alcool. Ah, de l'alcool, c'est parfait, ça. Pas con, pas con. Voilà. Ah bah vas-y, on imbibe d'alcool et on fout le feu à la torche. Bon... Et à la baraque. Faites attention. Il est deg, hein. Ah, ça pue la merde. T'es deg, hein, wow. Faites-moi un G. je sais pas quelle compétence. Si vous avez une compétence pour fabriquer des choses ou autre... Jacob, là. Peut-être, souvent. Celui qui va le faire. Moi, j'ai survie. Ah bah ouais, c'est bien ça. Contrefaçon. Bah non, c'est une vraie. Estimation. J'ai survie en forêt, naturalisme. Survie en forêt ou naturalisme. J'ai survie en forêt, peut-être. Enfin, non, en même forêt. Pas. Et encore, non, même pas. Parce que... Et bah sinon, il y a quoi il pourrait y avoir. Non, bah non, je sais pas si ça peut être ça. Ou alors. Intelligence, mais bon, ça me fait un peu chier, quoi. T'as combien en survie en forêt et naturalisme ? J'ai 50 en survie en forêt et 42 en naturalisme. Bon, bah, on va dire 42. Ah. Tiens. Et ça pue la merde, quand même. 84. Mais pourtant, j'ai quand même réussi à déchirer un bout de paille. Ok, et vous arrivez à... peine, enfin vous avez du mal à allumer les bougies, en fait il y a un peu de sang séché dessus, mais tu peux réessayer le jet si tu arrives à me convaincre. Je vous rappelle qu'il y a toujours la possibilité de, c'est vrai, si vous voulez réessayer ou autre, si vous arrivez à me convaincre de réessayer, vous pouvez réessayer, mais c'est moi qui lance le dé à votre place. Parce que c'est quoi que j'ai échoué là exactement? D'essayer de faire du feu, de faire d'allumer les bougies une avec torche la correcte, torche. En fait, ouais. Une torche correcte qui soit robuste. T'as pas parlé des bougies? Allumer des bougies avec la torche, je sais pas. Vous avez pas de bougies? Ah, il y a des bougies, mais dans la boutique en face. Enfin, vous voyez des lueurs un peu comme des bougies, en fait. Ah oui, d'accord. Du coup, on a essayé de les allumer, mais elles sont encore en bêtise, je sais pas. Non, il y a pas de bougies. Elles sont dans la boutique Juju. Ouais. Enfin, en plus, c'est même pas forcément des bougies, c'est juste des lueurs qui vacillent comme des bougies. Ça peut être des lampes à huile, par exemple. Je regarde Clifford et je lui demande s'il a bien abîmé la torche. Et enfin, bon, j'attends même pas sa réponse, je lui pique la bouteille. Et je le fais moi-même sur la torche pour pouvoir recommencer. Très bien. Et craque une allumette au pire. Ou le briquet, c'est encore plus sécurisé. Tu craques l'allumette et tout d'un coup, la torche s'allume d'un coup. Et elle marche, mais... Feu de Dieu, trop bien. Ouais. Je voudrais passer un petit mot à James, sans qui on n'aurait pas pu allumer cette torche. C'est vrai. Grâce à son alcoolisme. Effectivement. Je trouve ça magnifique. James, tu es encore parmi nous. Ça nous sert à allumer des torches. C'est un peu, vous voyez cette chaleur, cette chaleur et cette odeur d'alcool brûlé, et ça a un côté chaleureux dans votre propre cœur et ça vous rappelle James. Quand vous avancez un peu dans la boutique, vous voyez qu'en fait il y a une porte à peine entrouverte, scellée par des chaînes. Et derrière, en fait, elle est dans la jonction parfaite entre la boutique et celle de Juju. Et dans l'entrebâillement, vous voyez une très faible lueur en fait, c'est les réverbérations d'une flamme qui vacille. Et apparemment, oui, ce serait une porte qui mènerait peut-être à la boutique d'en face. D'accord. Ben, je te propose de continuer après Shane. To the Starboy de Dim. Eh bien, ce sera après. Oui. C'est le branle-bas de combat. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Effectivement, c'est enrôlé dans la folie sur Indestar. Il est 22h48, donc on entame la dernière partie de cette session. Oh là là. Effectivement, et en plus, on venait tout juste d'entrer dans une maison pas hantée, non, mais abandonnée. On avait réussi à défoncer la porte comme il faut, mais apparemment c'était pas une réussite que j'ai fait. Je me suis un peu trompé sur les lancers de dés. Mais c'est trop tard pour venir chouiner, n'est-ce pas, Warl? Exactement, n'est-ce pas? Faites pas les malins avec moi. Ah non, j'évoque un fait, c'est pas pareil. On avait réussi à allumer une torche. Tu as économisé ton dé malus. Tu sais, j'en ai plein d'autres en réserve. Et Et du coup, on s'apprêtait à fouiller ce bâtiment. Oui. Oui. Alors, fun fact, désolé, c'est un peu un hors série. Et Jacob, hors fait, RP. Ouais. En parlant d'alcool tout à l'heure, je fais juste un petit aparté, j'avais envie de le dire parce que je trouvais ça fun. Je suis passé pour un gros alcoolique auprès de mes parents quand ils ont commencé à se faire des shooters aux cuirasses au bleu. Et je fais, bah, vous faites des shooters avec du délire, vous? Ah oui, d'accord. Effectivement. Bon, allez, on reprend le. On reprend le jeu. Donc, vous fouillez intégralement ouais. tout bâtiment parce ouais. qu'après. Mais bon, je vous laisse. Enfin, je vous fais le topo. En cherchant un peu partout, c'est vraiment un bâtiment abandonné. Vous ne voyez pas de choses particulières. Oui, on entend peut-être. Mais après, vous avez toujours ce bruit de claquement répétitif qui vient, provient d'une porte, porte un peu entrebâillée, mais qui est scellée par une chaîne avec un énorme cadenas qui semble assez résistant. Je vais faire un jet de trouver objet caché. Je vais chercher un objet caché dans la salle, si tu veux. Parce qu'il y a des murs, d'accord, il y a une porte, ok, ça on a compris, la porte tu lui incites bien dessus, mais il y a peut-être d'autres trucs. Ah, tu peux. 12. J'ai 75. Alors, bon, si tu veux, dans trouver objet caché... C'est le récit majeur, ça ? Oui, hein. Trouver objet caché, tu tombes sur une pelle rouillée, qui était dans une espèce de malle à quelques outils, plein de choses rouillées, vraiment tout des semble outils. À l'abandon. Est-ce qu'il y a un pied de biche ? Fais-moi un jet de chance. Mais attends, la pelle rouillée, c'est juste une pelle rouillée ? Ouais, c'est juste une pelle rouillée. Et si je l'estime, c'est juste une pelle rouillée quand même. C'est juste une pelle rouillée. D'accord. C'est vraiment, en fait, c'est un espèce de bâtiment en travaux. D'accord, d'accord. Qui est vraiment abandonné, où tout a été arraché. Les conduits électriques étaient à moitié arrachés. Il n'y a plus grand chose, en fait. Il y a juste le principal. J'ai fait 72 et j'ai 80. En difficile. Tu lances un deuxième dé. 45. Tu as une 72. Tu as une espèce de barre en métal en fait. C'est l'équivalent d'un pied de biche. Et toi Jacob, tu voulais regarder s'il n'y avait pas une pince coupante, c'est ça? Ouais, ou un coupe-boulon. Ah, ou non. Non, parce qu'on a trouvé ce qu'il faut. Moi je vais me reconcentrer sur les bruits. Ok. Moi, ouais. J'ai d'écouter. 14. Oh. J'ai alors 75. En écoutant, tu remarques. C'est majeur. Enfin, non, extrême. Extrême. Alors, t'entends des bruits provenant de là où il y avait la fameuse porte entrouverte. Et en écoutant un peu aux alentours, tu reconnais un bruit de tam-tam, mais qui provient d'une autre pièce qui vient de la boutique Juju. Et il semble y avoir peut-être un concert ou un événement. Et tu entends parfois quelques bruits, quelques cris en fait. Tu as des bruits, des cris. Ça a l'air d'être un espèce de concert. Avec la barre de fer, je tente de forcer la porte. En gros, je passe la... T'as dit qu'il y avait des chaînes, hein? Bah, ouais. Je la passe dans la chaîne, la barre de fer, et je tourne la barre de fer pour faire rompre la chaîne. C'est une technique que j'utilise en vrai. Et comme t'es mastoc, mais... ouais. Fais-moi un jet de force. Force. Ça va être assez difficile de la péter. Elle est assez solide cette porte-là. Je peux te le faire en difficile si tu veux. J'ai fait 11 de toute façon, donc c'est une réussite extrême aussi. Non, là, c'est l'inverse. Il faut faire un score élevé cette fois-ci. Bah pourquoi ? Quoi ? En fait, il faut que tu... Comment dire ? Dans le système de jeu, la porte a un certain nombre de PV, entre guillemets, qui correspond à un score de force. Il faut que tu arrives à l'atteindre pour la faire rompre, en fait. D'accord, donc je recommence avec une concentration pour faire des gros chiffres. Ah, attends, je peux te faire... Je vais te faire un G. On va te dire que t'as un bonus de 20 avec ton. Non, ton objet. Tu mets la barre dedans, t'essayes de forcer, mais rien à faire. Elle est vraiment, vraiment très, très solide. Lol. Du coup, est-ce que je peux tenter d'intimider la porte ? Non, je déconne. tu peux avoir un retour de bâton dans la tronche. En fait, non, le jet de force, faut vraiment que vous. Vous essayez de... Si je l'aide. Ah ouais, tu prends un bout de la barre et je prends l'autre. Ouais, tu peux essayer. Essayez, bah faites-moi tous les deux un jet de force. T'as combien en force, Clifford ? Qui est en train de faire des messes basses actuellement. C'est ça, mais du coup, faut faire aussi un chiffre élevé ? Je suis triste, j'avais fait un beau 11. Ouais. Ok, un chiffre élevé. Allez, concentration pour un chiffre élevé. Ok, 4. 4. sur 100, hein, on rappelle. Ouais. Et toi, Clifford, tu fais combien ? T'as combien en force ? En force, j'ai 40. 40. J'ai fait 65. Eh, hey, c'est un chiffre élevé. Petit calcul de la part du maître des arcanes. Vous forcez, et en fait vous sentez que la tôle commence à partir dans une zone d'écrouissage. Elle commence à se déformer, et tout d'un coup vous sentez un crack et la porte se fissure. Enfin, pas la porte, mais la chaîne qui tenait la porte se fissure. Se fissure, mais se casse pas. Si, ça. D'accord. Pardon. Ah bah putain, c'était pas sans difficulté cette petite porte. Elle était assez belle, cette porte là. Ok. Bon bah du coup, il nous reste plus qu'à rentrer. Attends, peut-être jeter un œil discrètement avant. Oui, on va pas. De toute manière, on voit rien. Jette un œil. Jeter un œil discret qui regarde, qui est devant. C'est quoi la discrétion ? C'est dextérité ? Bah, c'est discrétion. Vous pouvez faire. Vous avez une compétence discrétion ? Oui, oui. Ah ouais, 20% de base, moi. Moi, je suis à 35. Ah. Ça moi, j'ai trouvé l'objet caché pour regarder. Si tu l'as. Ouais, non, mais je veux dire. Bah, 20%. J'ai 20%, ouais, comme tout le monde. C'est même étonnant. Les bébés, les personnes âgées. Je devrais m'enlever un peu de discrétion. Du coup, Jacob va. Ouais, je vais aller jeter un œil discrètement. Enfin, essayer. Ok. Tu essayes de jeter un œil discrètement. Tu fais un G. Ouais. 9, ma gueule. 9. Bon, bah, que ce soit trop objet caché, ouais. Trouver objet caché. Alors, discrétion, j'ai fait 9, donc ouais. C'est une réussite normale. Ah, oh, c'est du. Trouver objet caché, j'ai fait 46, donc c'est loupé. Ah. Je veux dire inversé. Tu sors ta tête de la boutique, tu fais le suricate, tu risques une tête, tu regardes, tu vois quelques bougies, quelques lueurs. Tu vois quelques reflets assez étranges. Il y a des reflets un peu cuivrés, des reflets boisés. Il y a pas mal de choses. Tu as l'impression de voir une bête un peu au fond. Ah oui, je la vois. Tu as l'impression de voir une espèce de créature immobile au fond, avec des yeux un peu luisants. Et à part ça, tu ne remarques rien d'autre. C'est une bête. D'accord. Je crois là-bas. Non, mais toi, tu vois rien, il y a que moi qui vois. Ah merde. Ouais, mais j'ai des yeux perçants, je suis un chinois, je trouve. Je leur fais part de mes découvertes, de mes observations. Ouais, tu fais part des découvertes. Ouais. Le mec, il pourrait y avoir Satan en face, je vous fais part de mes découvertes. Bah là, je vois rien. Je vois. D'accord. Je sais même pas si c'est vivant, si c'est une statue. Donc des yeux luisants, c'est ça que t'as vu ? Ouais. Eh ben, on est bien avancé. Bah, que je te dise. C'est quoi ? Tu veux que j'aille la voir ? Attends. Bouge pas, je prends un bout de mon pagne. Tiens, il me reste plus beaucoup de pagne. Hein. Ouais. Attends, vas-y, fais voir ta torche. Voilà, je l'enflamme. On considère que t'es en string là. Vraiment ? C'est possible. Donc t'as perdu 70% de ton pagne. Et du coup, je jette mon morceau de pagne vers la direction qu'il m'a indiqué. Attends, juste un morceau de pagne ? Attends, tu veux. Ouais, mais je l'ai enflammé avec la torche. Ah, d'accord. Ah ah, t'as vu, c'est malin. Malinx le lynx. Chut. Il cherche un déconvenu pour pas que je le fasse. Non, mais qu'il fait mon pagne quand même. Non, je trouve ça tellement stupide que ça me fait rire. Ah oui, attends, tu viens de foutre le feu à la boutique si tu fais un échec. J'avoue. Trop de balles. Fais-moi un jet de. Non. Si, attends, il a eu la mauvaise idée. T'as pas fait ça, Teddy. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en stats ? Merde, pardon. Rappelle-moi tes compétences. Dextérité. Ouais, dextérité, ouais, fais-moi un jet de dextérité. Et on est d'accord, c'est en dessous que je dois faire, là. Oui, oui, oui. Oui. C'était juste pour essayer de forcer une porte, en fait. Ah, 36. C'est vrai, ce mensonge ? C'est vrai, ce mensonge. Et du coup, c'est une réussite majeure. Bon, bah, ça va. Ah, parce que t'imagines... Non, j'imagine pas, non. Enfin, c'est alors, le bout enflammé tombe en face de la créature aux yeux luisants, et vous voyez... que devant, il s'agit d'une créature empaillée. C'est un sanglier. C'est une bête, une hyène qui est empaillée. D'accord. Et un pompe à feu. Ouais, une hyène empaillée. Bah tu vois, Jacob, c'était pas grand-chose. Bah tu m'excuseras. C'était un chien. Là, vous entendez une porte... Attends, non. Attends. Quoi ? Bon, on attend. Ouais. Okay. Vous entendez du bruit. Vous entendez un bruit venant de l'extérieur, de là où il y avait le mec qui était bourré et l'autre qui était à sa pause clope. Et ils sont en train de faire un peu de bruit comme s'ils étaient un peu bourrés et qui rigolaient ensemble en fait. C'est génial. Ouais. Je sais pas. Vous entendez ce bruit-là ? Ils font quand même pas mal de bruit. C'est un peu couvert par le son répétitif. Dans la pièce où on vient de rentrer dans la pièce du coup avec la hyène. Vous êtes vraiment à la porte, vous pouvez rentrer si vous voulez. D'accord. Ok, alors quand tu fais-moi un jet de trouver objet caché. Si ah. Et puis après j'estimerai bien la hyène empaillée. 78, c'est putain de 3, non, merde. C'est pas bon. Chais. C'est trouver objet caché, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Les autres, vous faites aussi un G ? Ouais. Ouais. 86. Okay. Tu vas même pas trouver la hyène empaillée en vrai. Ok, et moi je fais 47. Et j'ai 25, allez, c'est mort. Putain. Bon à rien. C'est clair. Vous rentrez et vous voyez pas d'objets un peu partout. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez des espèces de masques. Il y a des masques africains. Il y a des objets cuivrés. Il y a quelques armes. Vous voyez une foudre et un peu de tout. Vous voyez. Tiens. Ouais. Un espèce de chapeau chose, aussi. Je prends. Je vais aller estimer la foudre. Non mais attends, tu l'as pas déjà vu quelque part ? Je sais pas, ça c'est pas à nous de dire. Si. Je sais pas, j'ai l'impression. Non mais ça va dépendre du jet qu'il va faire. Si, vous reconnaissez le même style de faux. Après, s'il s'agit là d'une faux... Enfin, d'une faux africaine... Enfin, si ça se trouve... Ils se ressemblent tous. Ouais, on peut dire ça comme ça. Eh ben, je vais aller estimer l'objet. Pas forcément qu'elles se ressemblent toutes, mais vous, en regardant, vous avez l'impression de voir forcément la même chose, vu que c'est pas forcément dans votre culture, quoi. Et les masques ? Le masque, c'est un masque africain. En te rapprochant un peu plus, tu peux essayer de voir... Est-ce que je peux estimer la faux ? Oui, tu peux estimer la faux. J'ai 46%. Il a fait une estimation. À défaut de la hyène, il se rue sur la faux. À défaut, 88, c'est là où louper comme jamais. Donc je. Ça va parce qu'en vrai, t'aurais pu croire qu'elle est en plastique. Le bâtard. Et te couper. Et attraper le tétanos. Et là, ça aurait été pas le tétanos. Ça aurait été pire. Le sida. Le tétanos du sida. tu regardes, tu vois en fait que c'est une sorte de faux avec des bandelettes en cuir. Tu réalises qu'en fait c'est une arme un peu antique africaine, mais faudrait que tu contactes un expert plutôt dans le domaine en fait. Tu ne trouves pas la valeur, mais tu trouves quel genre de personne. Tu te rappelles de quelques contacts dans le domaine, quoi. Bah, du coup, ça nous en prend pas plus sur ce qui se passe à côté. Parce que du coup, on a trouvé pas mal d'objets, mais d'après vous, ils sont enfermés là depuis un moment ou... Soudainement, vous entendez un craquement et vous entendez la porte de la boutique qui s'ouvre. Et vous voyez les personnes qui étaient à l'extérieur en post-clope débouler. Dans le bâtiment où on est ? Ouais, dans le bâtiment où vous êtes. Vous êtes dans la boutique Juju là. Hein. Ouais, d'accord. Ah bon ? Oui, vous êtes dans la boutique Juju. Ouais, si. Et c'est. Si, quand t'as cassé la chaîne. Vous vous cachez, je suppose. Oui. Faites-moi un G. Tu leur jettes la torche. Attends, on se cache ou on. On a la torche ? On a la torche, techniquement. Jette-leur la torche dessus et on se cache. Ça va cramer les tout, non ? Bah, ça va les cramer eux. Bah, ouais, mais la boutique aussi. Éteins la torche. Ouais, mais c'est pas grave, au moins on pourra peut-être s'en sortir. Là, les mecs sont en train de rentrer, ils vous ont pas encore vu. Moi, je me cache. Ils arrivent et vous entendez bruit de pas arriver. Donne-moi la torche. Je lance la torche dans la direction. Non, arrête. On se cache, ils nous ont pas vu. T'as pas trop le temps de réfléchir. Ils nous ont pas vu, on se planque et on attend de les viser avec les flingues et l'arc. On fait ça. 8. Et la torche ? 7. Et la torche, tu l'éteins, vite. 6. Ok, j'éteins la torche. 4. Avec ça. 2. Du sable. 1. Ok, tu fais-moi un jet pour éteindre la torche. J'ai de quoi ? Je sais pas, de 12. Chance. Bah, 12, ça passe. Qu'importe la compétence, ça passe. Ouais, de ces 20 minimum. Évidemment, tu arrives à trouver de la poussière, tu arrives à l'effacer avec. Tu te rends compte quand même que elle a une odeur bizarre, ce sable. Pendant ce temps-là, les autres, vous cachez, faites-moi un jet de discrétion. Moi aussi, je discrétion. Me cache. Mais... Ouais, toi aussi, tu te caches. Faites-moi tous un jet de discrétion. Dextérité ? Discrétion, Il y a discrétion ? Ah oui, 20%. Oui. Non, il n'y a pas discrétion. Il y a discrétion, 20%. Dextérité, ça pourrait passer. Hein, ah, ouais, dextérité, c'est bien. Bon, bah, ouais, ça t'arrange bien. Ouais, tellement. Non, 74. Sachant que j'ai 35, c'est pas ouf. T'as 35 en dextérité ? Ah. T'es mauvais. Mais j'ai 88 en éducation, monsieur. Oh, ouais, mais avec un flingue, tu sais quoi ? J'espère que vous avez réussi à vous cacher, sinon j'ai ça va être très drôle. J'ai fait 64 et j'ai 85 en dextérité. Oh. Ça passe. Toi, et moi, plus forte, c'est passé ou pas ? Moi, non, c'est pas passé. Merde. 64 et j'ai 85, donc ça passe aussi. Et du coup, j'en profite pour sortir mon arme discrètement. Ok. Vous avez un homme qui arrive et en fait, vous reconnaissez sur lui, il a une sorte de grande coiffe africaine avec plein de vêtements. Enfin, plein de petits ornements sur lui et il a une grande robe pourpre. Il arrive et là il voit Clifford, il pousse un grand cri et il sort une faux qu'il portait sur lui et il se roule vers toi. Du coup je tire. Là il pousse un grand cri. Qu'est-ce que vous faites ? Bah je tire vu que j'ai sorti tu mon arme. Tu tires sur qui ? sur le mec en question. Bah sur Clifford évidemment. Je tire. Pourquoi j'ai demandé ? Non, Clifford était au milieu et il tire sur Clifford pour que ça passe à travers. Mais c'est logique. Fais-moi un jet de dextérité. Oui. Donc là, il y a un homme qui se rue vers 70, Clifford. Ça passe. Yes. Et tu sors ton fusil, enfin le flingue que t'avais. Ouais. T'avais un flingue ? Oui, je crois. Oui, tu m'avais filé un flingue. Oui, je t'ai filé un flingue, bien sûr. Il l'avait filé avant. C'était quoi ? C'était la pétoire de... Attends, c'était quoi comme arme ? C'est un pistolet. C'était celle du défunt... Ouais, de James. De James. Ok, j'avais dit un D6 alors. T'avais réussi ton G, donc tu fais un D6 de dégâts. Exactement. Et je fais... Attends, je... C'était une réussite... C'était quoi comme réussite ? Une normale ? Normale, ouais. Ok. Tu fais combien de dégâts ? 3 points de dégâts. Ok, tu fais un tir puissant. Vous avez tous les oreilles qui sifflent en fait. Vous avez ce tir qui vous a marqué l'esprit et ça le fait reculer, non ? Le l'être devant vous titube et tombe en arrière contre quelques affaires. Non, il n'est pas mort. Mais il peut pas trop se relever. Il commence à se redresser. Tu l'as juste touché, mais tu l'as pas tué. Achève-le, Jacob. Il se rebouge. Il y en a un autre, n'oubliez pas. Là, avec le bruit, il y en a le deuxième qui ouvre la porte et qui rentre rapidement. Ah, et ben, je sors de ma cachette et je tire une flèche. Ok, fais-moi un jet de dex. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites les autres ? Je m'apprête à tirer sur l'autre aussi, du coup. Ok. Moi, j'essaye de garder celui qui est à terre en respect. Je lui mets le genou sur la tête et je l'empêche de bouger. Ah oui, tu le maintiens. Ouais, ouais, voilà. J'ai fait 42 en dextérité. Oh, bah, sens de la vie. T'as fait 85. 42 en dex. Ok. Yep. Donc, fais-moi un G avec un D... 4 Attends. 4. Ouais, un D4. Dégâts. Enfin, mon arc, c'est un D6. C'est écrit sur la feuille. Un D6. Ah, bah, voilà. Ouais. Bon, oh, brillant. Ah oui, t'avais un arc spécial. Ouais. Fais-moi un G avec un D6. Et t'avais fait combien ? T'avais fait une réussite normale ? Normal. Et j'ai fait 3. T'as fait 3, ok. Tu viens lui mettre une flèche qui... J'y ai pensé, mais non. Tu lui mets une flèche dans la cuisse et ça lui fait perdre de l'élan, il bascule en avant et il glisse et se tombe à quatre pattes par terre. Retour. Vous avez celui qui était tombé par terre qui se relève déjà soudainement. Toi, t'es Clifford, t'essayais de le. Bah, il était dessus. Ouais, t'étais dessus. Il te repousse, Clifford. Prends mon pistolet avec le canon dans la main et j'essaye de lui mettre un coup sur la tête. Un coup de crosse. Ouais. Là, il t'a poussé. T'es tombé sur le côté. Ah bon ? Et il s'est redressé, mais. Il met sa main sur sa plaie. Il n'a pas eu l'occasion de faire grand chose. Je l'achève. Le deuxième, celui qui est tombé par terre, il est toujours à quatre pattes. Il essaye de se retirer la flèche. En fait, il tire dessus et il arrive tout juste à l'enlever. Bah du coup, je tire sur le premier. Il s'est relevé, donc c'est lui que je tire. Ok, refais un tir. Oui. Alors 3. Il est mort. Ah. Je fais un headshot entre les deux. On va faire un jet de dégâts du coup. 3. 3. Ouais. 33 dégâts. T'as raison. J'aurais dû les noter. Tu avais mis combien tout à l'heure ? 3. 3. Et 3. C'est tout. Ok. Tu as le l'homme à la robe pourpre qui prend son tir, enfin qui subit ton tir, et tu vois sa robe pourpre changer lentement de couleur et se tacher, alors qu'il venait tout juste de tomber au sol et être inanimé. Il ne bouge plus. Je l'ai eu, les gars, achevez l'autre. Pendant ce temps, Jacob, qu'est-ce que tu fais ? Je suis loin du gars ou pas ? Putain, une de ces chattes, c'est incroyable. T'es pas si loin que ça. T'es la boutique. Enfin, ce que j'essaierais bien de lui foncer dessus pour l'assommer et puis qu'on le garde vivant. Vu nez, t'es à peu près à 3 mètres de lui, à peu près. 3 mètres. Ouais. Moi, je vais faire ça. Ok. Tu lui fonces dessus, t'essayes de l'assumer. De l'assommer. Si on ramène sa poule, il sera plutôt content, je pense. Ouais. Fais-moi un jet de... Ouais, de dextérité. 37. C'est normal. Ok. Tu t'arrives vers lui, tu lui donnes un coup sur la tête avec... Non, c'est lui qui avait la torche. Bon, tant pis, t'aurais pu... Bah ouais, avec mon arc. Ouais, avec ton arc. Tu lui donnes un grand coup d'arc dans la tronche, il tombe au sol, il ne bouge plus. Et là, on utilise le pagne de Xao pour le... Son string. Encore ? Pour le ligoter. La ficelle de mon string. À ce moment-là... Non, j'ai des bandages au pire. Oui, vous avez... Et des aiguilles, s'il bouge. Vous entendez toujours le bruit des tambours derrière. Vous arrivez enfin à entendre quelque chose. L'homme s'est effondré au sol. Vous essayez de le bâillonner ? Ouais. Oui. Et okay. Moi, je vais vérifier à l'entrée s'il n'y a pas d'autres gens qui veulent rentrer. Faites-moi un G pour le baïonner de... je sais pas. Dextérité ? Dextérité, ouais. 48. T'as combien chacun un G ? Bah non, non, non, celui qui s'en occupe. J'ai 85. Oui, ok, bon, tu arrives à le baïonner sans trop de problèmes. Il reste inconscient. Parfait. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben... On essaie de sortir du coup par. On l'emporte avec nous, non ? Oui, on sort, on se barre. Oui. Je me suis pas fait chier à l'attacher pour le laisser là. Ouais, bah ouais, on se barre direct. Non, non. Il y a plein de trucs à voir, non? Oui, mais sans s'en aller. Mais ils sont peut-être pas tout seuls. Enfin, il y en a peut-être d'autres. Bah, tu montes la garde, c'est un peu pour ça que tu... D'accord, bah du coup, je vais jeter un œil de l'autre côté, voir s'il y a des gens. D'accord. Pendant ce temps-là, j'ai fouillé la boutique. Ok. Tu montes la garde, tu vas aller vers la sortie, et... Vers là où ils sont arrivés. Ouais, ok. Et tant que j'y suis, moi, je vais emporter la faux. Ça marche. Ah, au moment où... Tu vas au niveau de la porte extérieure et que tu regardes à droite à gauche, tu remarques qu'il n'y a plus l'homme qui était ivre au sol. Et tu vois une silhouette s'échapper dans l'ombre. Oui. D'accord. Bah, c'est grave. Alors, je laisse partir. Allez-vous réussir à retrouver cette ombre ? Qui était-ce ? Ça, c'est une bonne question. Quels étaient ces étranges bruits répétitifs ? Allez-vous réussir à trouver des objets sans perdre toute votre santé mentale ? Xiaotun réussira-t-il à finir l'aventure sans perdre son pagne ? Est-ce que Xiaotun finira sans son pagne ? Ou alors, est-ce qu'il saura contrôler ses pulsions incendiaires ? On ne sait pas tout ça. Et la suite se fera... Après la pub. Non, je déconne. Non, la suite. Après sera... la pub de un mois. Exactement, ça sera samedi prochain, donc samedi, le premier samedi d'avril. Je sais pas combien, enfin quand ça tombe. Vous avez peut-être une idée. Non, bon, c'est pas grave. Non, dans tous les cas, premier samedi d'avril. Voilà, c'est le premier samedi de chaque mois. Donc le premier samedi d'avril, vous pourrez retrouver la suite de nos aventures dans On est dans la folie. Dans tous les cas, n'oubliez pas que les podcasts sont disponibles sur indestar.fr ou alors sur une vingtaine de plateformes type iTunes, Spotify ou Deezer. Si vous avez envie aussi, vous pouvez nous regarder mais nous suivre en live Twitch à chaque émission sur le Twitch de l'émission. Jusqu'à là, ça paraît logique, n'est-ce pas ? Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez envie de faire un petit commentaire. Vous pouvez nous appeler dans le pré-show de 20h à 20h30 au 09 70 407 306. Pour glisser des mots, ou je sais pas, pour encourager les joueurs à réussir dans leur mission, ou pour dire que vous êtes totalement content que James soit mort, n'est-ce pas ? Moi, je suis totalement content. Est-ce que je dois appeler en plein ? Eh ben, oui, tu pourrais en théorie si tu n'étais pas le MJ. Merci. Je vais faire une petite dédicace à Mind Creature et ainsi qu'à à tous nos chers créatures présentes. Ah oui, d'accord. Je tenais à vous souhaiter un agréable tourment. D'ici le mois prochain, mais en attendant, on retrouvera Starter lundi et Actu Solite, évidemment, lundi aussi. Voilà. Et donc, du coup, on vous fait des bisous, comme dirait Clément. Merci de nous avoir écoutés.